Cette émission est une présentation de RZO. Pour plus de podcasts et web télé, rendez-vous sur rzoweb.com. Amda, Eric, t'as trouvé quelque chose d'intéressant pour les auditeurs sur Wikipédia, je pense. Scatman John, il est mort quand? Scatman John, connu pour la fameuse album Scatman's World, est mort le 3 décembre 1999. À 57 ans. Il a même pas vu l'an 2000. Je m'en allais dire ça. Justement, en lisant la date exacte, je suis comme, fuck, à un mois. Hey, 57 ans d'entendre de cette petite année 2000-là, puis t'es mort juste avant. Ah, ben gars. C'est plate en crise, ça, quand même. Lui, dans un sens, c'est sauvé la déception. Il s'est rien passé, il n'y a rien eu de hot, vraiment. Lui, il pensait que le COBOL, c'était vraiment comme l'avenir du langage de programmation. Mais c'est pas comme une semaine. Il n'y a pas du monde qui se sont suicidés avant pour ça aussi. Mais sûrement. Probablement. Mais anyways, oui, c'est ça, Scatman est mort. Ils se sont suicidés pour l'an 2000, pas à cause de la Scatman John qui est mort, on va clarifier. Il avait peur. En passant, j'aimerais spécifier que sur la page Wikipédia, lui aussi, il a gagné un terme de musique pour soi-même. C'est du post-Scatman's World. Okay. Fait que t'as un avant. Fait que lui, dans le fond, Scatman's World, là, ça a tellement défini un genre avant puis après. Il y a une carrière là, complètement comme... Je pense que c'est parce que c'est lui qui a le fait le plus d'argent et connaître ce style au grand public, si on peut dire, ever. Parce qu'il n'y a plus jamais Pierre Fell. Ben c'est comme quand elle s'appelle la yodeleuse québécoise là. Linda Lemay? Non. En tout cas, il y a une yodeleuse québécoise là, mais il y a pas des annonces à la télé blonde, là, genre, tu peux pas aller plus top que elle là, à date. Il faut que je continue sur Scatman. C'est la Scatman. Oui, ramène-nous sur le Scatman. Scatman John, il bégayait de nature. Fait que moi je trouve que c'est un peu triché comme Scatman ça. J'avoue, c'est pas cool. Hey, je pense qu'on devrait faire de quoi, c'est qu'à partir de maintenant, on part à une autre tradition random du collectif. On ouvre le show avec une page une Wikipédia. Une information genre, spéciale. Fait, comme le The More You Know, là. Je vais essayer de trouver le son là, de NBC. Très bon pour ça, ouais. Puis tu vas dire que tu le rajoutes au montage, que tu rajoutes juste pas. Je rajouterai pas, là, mais c'est ça. Okay. Hey, mais je t'ai mis en train de chanter du Taylor Swift la dernière fois. Ouais, ça, good job. Mais ouais, c'est ça, Scatman John, on a tout appris ensemble qu'il était décédé, puis c'est ça. Puis comme vraiment, là, il a finalement eu du succès, puis il est mort après. Là. Manon Bédard, c'est elle la yodeleuse québécoise, fait que c'est la Scatman John du yodeling québécois. Ben ça, du c'est scat. Pas comme la À quel âge, hein? Du scat, je sais pas, j'ai pas... À 56 ans, parce que je serais nerveuse. On gardera ça pour une autre fois, qu'on ouvre l'émission avec de l'information... Manon Bédard. Donc, mesdames et messieurs, bienvenue au collectif. Donc, épisode 53 du Geek Collectif, mon nom est André Paquette, accompagné de mes charmants co-animateurs. Oui. Éric Hébert. Oui, bonjour André, ça va bien? Ça va très bien. T'as une belle barbe aujourd'hui, je l'apprécie beaucoup. Ben merci, écoute, je l'ai pas trimé justement pour l'occasion. Okay, en tout cas, je t'envie. Mais, ok. Mais Melter qui est aussi venu. C'est ça c'est du anglais qui a mal tombé. Ouais, moi, je pense. Un peu moins bien. Parce que c'est de l'anglais malaisant. I envy you. Je sais pas. Anyways. Je t'envie. Ouais. Non, tant que c'est tu ça, me dis pas que t'envie de moi, hein. Je pense que tout passe correct. Moi, ouais, je veux juste dire que j'aimerais ça une barbe, moi aussi. Ok. Anyways. Il a envie de ta pilosité. Et Chris, il est bien. Toi, elle est plus trimé que moi. Moi, je suis comme une jungle dans la face. Ben, trimé, ça dépend. Là. J'ai rasé le cou. Puis c'est ça. Fait que c'est ça. On bienvenue au Barbe Collectif. Barbe Collectif. Milter. Attends, c'était quoi le terme que j'ai appris la semaine passée? Attends, un lumber sexual? Lumber sexual. Ah. Apparemment que c'est une affaire, ça, là. Ouais, ça existe. T'es ça, je pense. Mm-hmm. Ah ouais, je suis crissement à Lumber. Station, là. Tu tiens les bords de Lumber Sexual. Je suis déçu pour la manque de chemise de karaté, par exemple. Ils mettent leur biais sur des bûches. Non, c'est parce que moi, j'étais un military sexual. Ah, c'est vrai, t'as le camo, peut-être, là. Ben ouais, j'ai le camel toe, toute la quête. Milter! Oui, oui. Comment ça va, mon homme? Très bien, ouais, ouais. Ouais. Passé une grosse semaine? Pas payé, ouais. Ouais. Ouais, c'est correct, ça. Ben, j'essaye. Écoute, c'est pas que je t'aime pas, mais on a Carl avec nous ce soir. Oh. Hey, bonsoir. Carl, comment ça va? Ça va très bien, vous autres? Ça va très bien. Il vient d'où, lui? C'est qui? Ben, c'est justement, Carl, tu viens d'où, toi? Je sais pas, man. Je viens d'une place qui s'appelle Marché aux puces. Non, c'est pas vrai. Je viens du show d'arcade et les Power Chasers. Les Power Chasers. Oh. Disponible sur YouTube. Bien sûr. Ouais. Excellent. Puis vous faites quoi, les Power Chasers? En fait, nous autres, on fait des chasses aux jeux vidéo rétro dans les marchés aux puces, surtout toutes sortes de commerces indépendants. On essaye de trouver des bons deals, ce qui est rendu difficile aujourd'hui quand même. Il y a plus en plus de connaisseurs, si on peut dire. Ouais. Puis, ben, de pseudo-connaisseurs, ouais, du soi-dit connaisseurs. C'est là qu'on fait nos guillemets que personne ne voit, à part ceux qui nous écoutent en ligne. Sur Twitch. Connaisseurs. Mais non, c'est ça. On était 5 gars à l'origine, on est rendu juste 4, là, mais c'est pas grave. Puis, je pense que vous avez des invités aussi des fois. Ouais, mais c'est ça. On est les 4 gars de base. On a toutes sortes. C'est rendu qu'à chaque épisode. Featuring. On a des invités. C'est comme un peu rendu dans la tradition. Du monde du milieu de web, jeux vidéo, rétro. Ouais, soit des YouTubers, du monde de podcast. Des collectionneurs. Ceux qui sont pas pseudo. Connaisseurs? Ben là, habituellement, c'est du monde que je connais. Tu sais, c'est des vrais connaisseurs, des vrais de vrais. Ou j'attends des connaître avant des invités. Tu sais, il y en a que je prévois peut-être des invités plus tard, mais que je les connais pas encore. Mmh. J'attends l'occasion de les voir avant de voir si ça va bien passer. Moi, je sais pas si tu vas accepter le genre de comparaison, mais le concept me fait penser un peu à une autre version, si on peut dire, des shows à la... Colin, j'ai oublié le nom, mais tu sais, ceux qui achètent des lockers, les shows, tu sais, qui checkent des lockers puis qui bettent un peu là, sur le locker. Je me souviens plus c'est quoi le nom, là, mais tout le monde a pas mal une idée. Les sauces, les brocantes, ouais, ben, ces affaires-là. Ouais, c'est ça, en français, je cherchais le nom en anglais, là, mais c'est carrément ça. Ben ouais, mais c'est un peu l'idée de base. C'est ça, là, puis je trouve ça cool, parce que c'est comme plus niche, si on peut dire. Ben en fait, à l'origine, je faisais plus des vidéos de review de jeux. Puis d'un moment donné, il y en a comme tellement des reviewers, il y en a plein des super bons. Puis là, je me suis dit, hey. Tant qu'à aller te perdre dans la merde. Fuck that, man. Je vais essayer de me différencier de tout le monde. Parce que un moment donné, tout le monde ben, fait ça. Puis j'étais comme, ben. Ouais. Malgré qu'il y en a aux États-Unis qui le font, là. Fait que tu sais, j'ai pas rien ben, inventé. Moi, je n'avais même pas vu avant. Okay. Puis je check beaucoup de vidéos de gaming en général. Puis, mais être franc avec toi. T'es le premier, même si tu me dis ça, là, le gars, là, tu me donnes le goût d'aller voir des Américains. Okay. Mais ce que je te propose, afin de ne pas brûler le punch, parce qu'on va pouvoir revenir au game chasing un peu plus tard, mais certainement. On va perpétuer la tradition du collectif. Donc, on va aller faire l'actualité des gens cette semaine. Voulant dire, qu'est-ce qui s'est passé de bon? Qui veut se mouiller? Qui veut commencer? Milter, Carl, moi, ça me dérange pas. Je vais vous laisser. Je pense que je vais comment dire ça? Je vais péter à balloon tout de suite. Parce que fait que ça va nous parler de quoi, cette semaine? Vous autres, ça va être plus positif que moi. Non. Je vais pas vous mettre down, là, mais... Ben, c'est sûr qu'en disant, ça va être plus positif là, que moi. Là, faudrait que tu mettes un genre d'avertissement qui dit « Vous pouvez peut-être être offensé par ce qui suit, nanana. Okay, » Donne-moi 30 que... secondes. Avertissement. Le contenu qui suit pourrait être offensant pour certains auditeurs. OK. Puis, fuck le montage. En tout cas, c'est justement... surtout les fans de Nintendo, peut-être. Tu sais, les fanboys, là, les diehard. Je sais que je reviens souvent sur Nintendo puis leurs décisions louches puis tout. Puis là, il y en a une de plus que je trouvais stupide puis ça me fessait encore d'en face. Les compagnies ont parlé, ben pas les compagnies, Nintendo a parlé que les compagnies, les streamers puis les créateurs de contenu vidéo qui font du jeu, du contenu de jeu Nintendo vont être pris de tout leur argent, leur revenu relié à ces vidéos-là à cause que Nintendo dit que c'est notre contenu. Fait que tout le ad revenue qu'ils appellent, là, le cash, il va aller à Nintendo. Fait que là, le monde, il capotait. il disait c'est ridicule, nanana. Fait que toutes les vidéos que je fais avec des jeux de Nintendo, ça va aller à eux autres. Puis il y a des gros reviewers qui font du gros cash, puis qui roulent des compagnies avec des vidéos de jeux. Fait que là, Nintendo, cette semaine, je me souviens pas de la date, ils ont sorti comme nouvelle que essayer d'avoir de l'air d'un good guy, là, puis de dire ah non, non, on va vous redonner de l'argent. Fait que là, ils disent qu'ils vont partager les revenus avec les créateurs de vidéos, avec des vidéos de Nintendo. Tout. Mais là, tu te dis en gros titre de même, tu fais comme « Hey, wow, c'est beau, Nintendo, good guy, ils partagent les revenus. » Techniquement, t'avais déjà 100% des revenus, puis là, ils partagent pas, ils viennent t'apprendre le partage. Genre, fait que c'est comme, c'est pas on partage, c'est... On prenait tout, puis là, on va dire qu'on te donne un montant. Quand tu t'informes des montants, c'est qu'ils donnent 40% au gars qui fait le vidéo, puis tout. Puis eux autres, ils ont 60% du cash à cause du jeu qui dit c'est eux autres. Mais le travail, puis tout, c'est de la publicité gratis. Le travail pour faire ces vidéos-là, le temps de gaming, nanana, même si oui, il a payé, puis tout, c'est le streamer, puis le YouTuber, puis tout, qui fait ce travail-là, dans un sens. Puis c'est tout de la pub gratis pour Nintendo. Fait qu'eux autres, ils arrivent, puis ils font ça. Puis en plus, dans les critères, ils disent qu'il faut que tu leur envoies la vidéo à eux autres pour que eux autres l'approuvent. Et si la vidéo est approuvée, ils vont te donner ton 40%. Fait que s'il n'est pas approuvé, ils gardent 100% du revenu. Et en plus, la vidéo, ils disent qu'il va prendre 3 à 4 jours avant d'être approuvé. Dans les 3 à 4 jours que tu postes ton vidéo, habituellement, tes subscribers et ces affaires-là, ils sont allés le voir, la vidéo, parce qu'ils ont reçu leur petite notification ou quoi dans leur feed qui dit « T'as une nouvelle vidéo de ton gars cool que t'aimes de jeux vidéo qui fait des reviews de Nintendo. » Fait que pendant ces 4 jours-là, ils vont gober toute la 100% du ad revenue. Après, tu vas embarquer sur le 40%. Puis en tout cas, moi je trouvais pas bad ça fair. Move. Non, sérieux. Je trouve que ça fait mafia. Il gratte le cash à mauvaise place. Exactement. Là, c'est ben, en fait, il gratte le cash, tu sais, comme tu viens de le dire. Il gratte le cash. Il gratte pas mais... le cash parce qu'ils feront pas une calisse de cents sur l'ad revenue. Là. Ben, ils vont en faire si. Il en aurait fait si on prend les chiffres de l'année passée, exemple. Puis aujourd'hui, j'ai vu une vidéo justement, puis un article sur. Je serais pas sur le gars nécessairement, mais il est big, là, PewDiePie. Là. Mm-hmm. Ben, il disait, puis il y avait un genre de collectif de YouTubers, des gros gars là, de gaming, là. Puis il disait tout comme, hey, ça marche pas. Puis PewDiePie, il a carrément dit, gars, il y en a plein de jeux que je peux jouer. Il dit, la seule affaire que ça va faire, c'est que les Nintendo vont aller en bas de la liste, parce que je vois pas leur donner... Le gars, il a fait quoi, 9 millions l'année passée, ou je sais pas quoi, là, peut-être plus, peut-être moins, le gars. Il a fait des millions à jouer à des jeux vidéo, là, même si ce n'est que rien qu'un million, pour moi, c'est déjà incroyable. Attends, tu peux quand même faire du stream de jeux que t'as pogné de ta Wii, là, je veux dire... Ce médium-là, il n'a pas changé. Le Twitch, il va être affecté aussi à longue. T'es sérieux? Oui. Non, mais c'est parce que tu streames de la console. Ben, sur Wii U ou Nintendo, tu peux pas streamer de ta console aucunement. Tu peux même pas rentrer ça dans un capteur. Ben, si tu le rentres dans ton ordi, si tu streames par ton ordi, c'est d'autres choses. Il n'y a rien qui arrête des gars comme PewDiePie de brancher une Wii U avec toute son équipement. Ils vont voir la vidéo, puis le ad revenue avec la vidéo. Ah, c'est ça. Ah, ça va loin de même. Oui. Ok, je m'embarque même pas. Mais c'est quoi, moi, c'est un autre aspect. Smash Bros. Vient de mourir quasiment. Ben, tout va mourir dans un sens. À long terme, ils se tuent dans le pied. Le seul monde qui vont streamer ça, c'est le monde genre comme. Moi, exemple, qui joue puis qui va avoir 10 followers puis qui va streamer parce qu'ils s'en crissent que je vais leur donner 100% parce que je suis pas là pour m'inscrire ou à faire du cash ou quelque chose. T'as peur, moi, comme un créateur de contenu. Comment je peux dire ça? C'est pas la clientèle de Nintendo, anyways, ça. On s'entend, là, tu sais, puis ils gardent PewDiePie. Ben, moi, j'ai plein de jeux que je peux jouer puis eux autres vont aller au bas de la liste. Le monde n'écoute pas PewDiePie parce qu'il va jouer à Super Smash. Le monde écoute PewDiePie pour PewDiePie. Oui, puis non, fait en même temps, ils veulent le voir jouer au bon jeu. Ouais, en même temps, c'est de l'exposure, c'est ça. Mais oui, d'un autre côté, c'est de l'échange de pub. Si PewDiePie joue à Smash Bros, c'est quoi, 35 millions de personnes qui le voient? C'est... quelque chose de même, je sais pas, il y a je combien. Je vais juste finir mon argument, par exemple. Ce que je veux dire avec ça, c'est que, tu sais, on s'entend, regarde, PewDiePie, là, le monde va l'écouter, son following, pour le gars. Ils vont peut-être pas nécessairement... Tu sais, il y a peut-être quelqu'un qui va faire « Ah, cool, PewDiePie a essayé Super Smash. Je suis fan de Super Smash, je vais l'écouter, mais... » C'est pas pour Nintendo. C'est ça, c'est là. Pas ça, pour je Nintendo. Suis d'accord initialement, toi, ça, c'est la base. Puis deuxièmement... Mais il y en a qui sont 100% Nintendo. Je trouve que c'est rendu un peu... là, t'as comme les jeux. Check ça, OK? C'est vraiment. Puis je vais essayer de le formuler de la manière le plus précis que je peux, parce que j'ai plein d'idées dans la tête, mais. Là, t'as du monde qui chiale après Nintendo parce que je peux pas faire des revenus publicitaires sur ma critique que je faisais de toi. On est rendu que. Tu sais, je pense qu'on est rendu à un autre niveau de journaliste maintenant où c'est plus le fait de faire des critiques de jeux puis des affaires la même. C'est rendu le fait que je peux plus faire d'argent sur les pubs qui passent pendant que je fais, puis les clics, puis les c'est affaires la même. C'est la guerre des clics Internet aujourd'hui. Mais je trouve ça pathétique un peu, Chris. Il me semble que dans le temps, tu sais, puis oui, je peux me permettre de dire dans le temps, j'achetais des Game Pro puis des fucking One Up là. Mais tu sais, EGM, ouais. EGM, ouais, One Up, là, wow, là, ça n'existait pas. Game non, Fan, c'était quoi? Game ben, en tout cas, Fan. Ouais, c'était la game des GM là qui ont été ouais, dans One Up puis tout ça. Mais voulant dire que, tu sais, c'est comme moi là, de la controverse médiatique de review de jeu là, ça a été genre Gertzman qui calisse son can GameSpot parce que t'es obligé de changer ton review de Kane and Lynch, puis je fais comme hey, ça, c'est de l'intégrité de journaliste. Puis Gertzman, man, t'as mon respect à vie, mon gars, puis des affaires de même, puis tout. Puis à cette heure, c'est genre, ben là, moi, je suis PewDiePie, j'ai fait 9 millions l'année passée, puis là, je suis triste parce que Nintendo veulent pas me donner mes clics quand je fais des vidéos. D'où, tu fais 9 fucking millions. Ouais, mais fais ton argent sur tes autres astuces de jeu, puis fuck it. Ouais. Ouais, mais c'est ça, mais c'est pas Nintendo, tu sais. Mais si t'es, peut-être c'est pour con, lui, il se prend, lui, qu'est-ce qu'il a fait, c'est, il a peut-être pris la tête d'affiche pour être le représentant avec toutes les autres. Ouais, mais comme ils disent, il y a plein de monde, il y a plein de monde qui ils font des vidéos exclusives genre juste Nintendo. Ouais, mettons. Mais fait que là, c'est l'envers. Où je veux en venir, c'est que c'est l'envers, c'est que avant, tu sais, c'est comme le monde voulait solliciter Nintendo puis comme donne-moi ton jeu, je veux juste en parler, donne-moi une copie gratuite, je vais être heureux. Puis à cette heure, c'est plus l'inverse, c'est le monde se font de l'argent sur le dos des studios. Puis là, en plus, ils bitchent pour des affaires de la même. Genre, hey, je peux pas avoir mon ad revenue, puis t'inquiète. Ouais. Je comprends le point d'après que... D'après moi, ils en faisaient autant avant quand ils disaient « Donne-moi le jeu », parce que les compagnies n'avaient pas encore cliqué le ad revenue style. Ouais, mais le monde, tu sais, voulant dire qu'avant Nintendo, là, je te donne un exemple, puis moi, dans ma vie professionnelle, ouais. Là, j'ai travaillé là-dedans, là. Le studio payait pour avoir le site. Tu sais, ils payent, mettons, puis je veux c'est un splash screen, je veux avoir le taux, puis c'est encore de même. Puis je trouve ça un peu la génération ingrate un peu. Tu sais, un PewDiePie, justement. Hey, man, tu te fais 9 fucking millions à être assis sur ton cul. Puis je dis pas que j'ai aucun respect pour le gars. Chris, on fait un podcast, nous autres, avec. Puis j'aimerais ça être payé 9 millions pour faire moi, mon ça voit podcast. M'énerve. Sauf que d'un autre côté, tu sais, quand c'est rendu que... Ah, oh, ben là, Nintendo, ils veulent juste me donner 40% puis telle affaire. Puis génération fucking ingrate, man. Chris, déjà, ils veulent te donner 40%. Femme ta calice. Ben, ils voulaient prendre 100% au début. C'est ça, c'est l'autre même affaire. Même s'ils prennent 100%, rendu là, Chris... Moi, je trouve que c'est de l'enculage de mouche, man. Mm. Tu fais ça parce que t'aimes ça, puis c'est juste que là, c'est justement, c'est rendu... Le web meta est rendu une business. C'est rendu ça, ouais. Puis ça, je trouve ça poche, parce que là, après ça, tu sais, c'est comme, ils sont surpris parce que c'est des rêveurs qui ont fait de l'argent sur le dos d'un paquet de monde. Puis il faut se le dire, là, c'est très honnêtement, ouais, là, c'est ça. J'ai streamé ton jeu sans ta permission, j'ai fait de l'argent sur ton dos. Puis là, ils arrivent, puis ils font face à des règles d'affaires. Les qui donations sont une aussi, business. Ça me fait capoter, là. Puis en passant, ils prennent même pas le temps de faire un graphique de face qui est triste à 1, puis qui est tout excité à 5 pour le rating à la fin. Ça, c'est dans GamePro. C'est juste ça. Je trouve ça, je trouve ça pitoyable. Je trouve juste, tu sais. Ça dépend à qui. Je trouve que c'est une génération ingrate, man. Moi, je trouve ça plate que la génération ingrate, quand André parle d'eux, ils n'ont pas de graphique d'excitation pour les reviews. C'est Nintendo qui passe pour les gros méchants. C'est parce que c'est eux autres qui ont comme décidé de mettre le coup de c'est les seuls qui ont fait ça. C'est pour ça. Les deux autres, qu'est-ce qu'ils font à la place? Ils disent, hey, on vous permet d'uploader des vidéos, des CV de notre console, puis des Twitch live de nos consoles. Fait qu'on s'en fout, tu sais. Puis tout le monde oublie aussi que là, X nombre de temps, tu sais, P4 puis Xbox One, là, parce que effectivement, même PS4, mesdames et messieurs, ben, ils voulaient vous enculer avec les jeux usagés il y a pas longtemps. Fait que, tu sais, tout le monde l'a oublié, ça. Puis là, c'est rendu, c'est comme, ben là, PS4, il y a Twitch dessus. Mais non, mais je peux partager mon jeu. Mais là, le monde, dans c'est ça, je m'en allais dire. Mais c'est ça, c'est que partage des jeux pendant le monde une heure. Oublie que c'est une business. C'est l'industrie du jeu vidéo. Puis Nintendo, ils ont besoin de trouver une manière de faire du cash. Ben, c'est ça. Surtout Nintendo, vendre des Amiibo, puis sortir une nouvelle série au plus Chris. Ah, mais ils sont pris trop tard. Là. Au début, c'était eux autres qui étaient censés. Ils ont été approchés par Skylanders pour sortir tout ça. Mais ils sont tout le temps en retard. Tu quoi? C'est non, ça c'est le karma, ça, parce que c'est arrivé à Atari quand eux ils ont approché Atari pour vendre Nintendo aux États-Unis. Ok, oui. Fait que t'as l'ironie de Skylanders, sont comme non, mais nous autres, on est Nintendo, on n'a pas besoin de vous autres. Uh-huh. Puis t'es autres, c'est ok, ben on va aller voir Activision. Puis ils peuvent pas les, ils peuvent pas sortir avant une certaine couple d'années parce qu'il y avait le brevet. Fait que dans vos dents, puis Disney l'a eu juste avant. Fait que, en plus, ouais. Deux fois une copie. Ouais, en tout cas, c'est ça. En tout cas, fait que c'est... Je voulais pas parler des Amiibo, là, mais c'est de la merde. En tout cas. Puis, pour je sais pas si tu voulais acheter de quoi, là. Non, ok. Non. Tu voulais pas acheter d'Amiibo, non. Pis, ben, le pays, les gars, Amiibo. J'en achèterais un, mais dans ma bibliothèque, Firewall, Megaman, il est beau. Ils sont trop petits. Il faudrait qu'ils soient plus gros. Mais en plus, mais c'est le fait qu'il sert à rien, puis je m'en fous. Ouais. Mais en tout cas. Je veux pas parler d'Amiibo. Mais je voulais juste dire aussi, c'est très rare que je joue à des jeux PC, que j'accroche à des jeux PC. Mais j'ai joué chez un ami et je pense me le procurer sur Steam. J'ai déjà parlé de Don't Starve, mais là c'est Don't Starve Together, qui est juste Don't Starve, mais en coop. Puis c'était écœurant parce que tu peux jouer 8, 9, 12, c'est je pense, cool, ça. Dans le monde. Là, ça veut quasiment un MMO, même si ça veut pas un MMO. Là, mais je me semble que c'est 8, 12. Là, puis c'est bien cool, tout le monde fait son petit affaire. Je t'ai entendu parler, puis... je connais pas le jeu. C'est, moi, tu c'est l'as quoi, sur là? PS4. C'est un genre de Minecraft, mais 2D avec un art style de Tim Burton. Puis okay. Sur Steam, il y a genre, j'ai vu ça avec mon ami, il m'a montré ça, il y a comme 600 custom bonhommes gratis que tu peux downloader, faites par des gens, là, tu sais. Ça, c'est inspiré de Johnny Depp. Ouais, tout. Mais c'est 600. Pas la compagnie, joué, le nom de la compagnie, c'est quoi? Je le sais même pas. Je sais que c'est ceux qui ont fait Shank, il me semble, puis Way of the Ninja. Ça se peut, c'est peut-être, mais j'ai aucune idée, ouais. Mais c'est un cool art style, puis... Tu sais, c'est genre, tu te promènes, tu ramasses du gazon, coupe du bois, nanana, tu fais une torche, tu fais un four, tu ramasses de la bouffe. Mais c'est survival. Là, c'est full survival. Ouais. Là, tu commences, t'as une map qui est un petit point rond, tout est noir, puis t'as un portal, puis tu fais OK. Fait que tu pars, tu coupes du bois, puis comme je te dis, là, mais comme Minecraft. Tu manges. De ben, ouais, exactement. T'as de l'énergie, de la bouffe, de la santé. Okay. Fait que si tu vois des grosses bibittes weird comme des araignées géantes, ta santé abaisse. Puis si elle est à zéro, ben tu vois des hallucinations de monstres qui peuvent te tuer à longue si tu regardes nice. Pas. Genre un peu comme à la Mario Bros. Là, si tu le te fais pas, pis tu checkes ouais, le fantôme. Ouais. Est-ce que tu vois, il y a comme trois trends dans les une explosion de jeux de survival. Ben, t'as les survival, fait ouais. Tu sais, t'as Minecraft et toutes ses copies. C'est ça, là, Terraria, Starbound. Ouais. Wow. Ça, là, que je t'en ai parlé. Seven Days to Die. T'as un paquet d'affaires. Fait que t'as les survival de Forest. Ouais, du truc, genre. Rust, ouais. The Forest. T'as la trend des zombies. Tu sais qu'elle a, tu sais, Seven Days to Die, Daisy, H1Z1. Ouais. Puis t'as la trend qui prennent comme le survival horror. Survival game, puis les zombies, puis qui mettent tout ça ensemble. Mais c'est jamais des les zombies. Rogue-like. Juste ça. Les roguelikes. C'est jamais des zombies. De c'est... Non? Ben non, mais tu sais, comme Last of Us, tu sais, c'est des zombies, mais pas des zombies. Ouais, c'est... des mutants, ils disent des hommes plantes. C'est le nouveau ouais. Zombie. Ouais, c'est ça, genre, je sais pas. Resident celui qui est Evil, justifiable. Là. Ouais. Parce que dans les années 70, le zombie, c'était juste un mort qui revenait vivant, mais à cette heure, faut que ça soit justifiable. Un virus ou quelque chose ouais, dans ouais, l'eau. Ouais. Que ça soit bien expliqué. Exactement. Crédible. Ouais. Je peux... Mais vous autres, vous êtes plus zombies qui se promènent lentement ou zombies qui courent? J'aime les deux personnellement. Ouais. Ça prend les deux, je trouve. Il y en a en même temps, genre. Il y en a des plus décomposés que d'autres. Il y en a des plus fait en forme plus que d'autres. Frais, ou je sais okay. pas. Fait, moi, je vais aller. Cool, je vais dépasser. Moi, j'aime les zombies qui sortent d'un cimetière. Oui. Qui sortent de la tombe. Ah, mais ils sont automatiquement lents. Ah, oh, nice. Eux autres, ils n'ont pas le choix d'être là. Ceux qui sont vraiment à moitié pourris. C'est un mort vivant. Oui, c'est un mort qui c'est mes préférés. On n'en voit plus de ça. Non. Non, c'est désinfecté. C'est des gars avec la face bleue. C'est plus à mode. Puis, avoue, quand il sortait de la terre, il avait tout le temps un look rockabilly. Oui, mais c'est parce que c'était un code de la cause du film. C'est quoi déjà Return of the Return Living of Dead? Là, que t'avais la tombe. Non, mais avec pas, il y avait une mode. Rockabilly, genre, il y puis... a tout le temps un rockabilly qui sortait. Ouais, qu'est-ce que tu fais, toi? Ah, le meilleur film de zombie de rockabilly, je pense, c'était Crybaby. C'était écœurant, hein, ce film-là. Les zombies étaient tellement réalistes. Le je l'ai pas vu, qui chantait. Je l'ai juste en entendu parler, man. C'est pas du Zer vs. Rogues. Quoi? Le réalisateur, là. C'est le film de Johnny Depp, ça? Ouais. Okay. Ouais. Il est en zombie, puis il chante dans la prison. Ouais. OK. Mais en tout cas, jouer à Don't Starve Together, bientôt je devrais l'avoir, puis jouer avec vous. Fait que Tanvis, c'est un jeu que t'as pas, mais que tu veux. Ouais, non, mais ben, j'ai joué beaucoup, puis c'est rare que j'aime les jeux PC. Ah, tu l'as joué chez ton ami, c'est ça? Ah, mais si tu joues les jeux PC qu'une manette, y'a pas de différence, là? Non, je joue pas sur une manette, il est pas encore, comment dire, il est comme en bêta, alpha, testing, je sais pas, là, le côté manette, là. Ah, ça c'est l'autre trend, les early access. Early access, paye le jeu complet tout de suite, puis joue avec des bugs. Ah, mais ils disent, ils t'avertissent, en gros, je l'ai vu, ils disent, genre, si t'es pas sûr, là, paye pas tout de suite, attends, mais là, t'es comme, ils disent aussi, si tu payes tout de suite, tu vas avoir ça de gratis, puis le jeu va être deux fois plus cher. Fait que là, t'es comme, oh, fuck off, je vais l'acheter tout de suite, puis dans le fond, je l'ai tout de suite avec des bugs, puis dans deux mois. Mais t'as le temps de t'écœurer, ben, quand le jeu va être débugué, t'auras plus le goût de jouer. C'est ça que je me dis. La meilleure partie de ces jeux-là, je trouve, là, c'est les Steam Reviews. T'sais, c'est comme but du Windex, mort. Oh. 10 sur 10. Ou bien, genre, je t'arrivais à une place, il y avait un bug, il y a un zombie qui volait, would buy again. Mm. Ça, c'est comme, les reviews sont tellement malades. Bon, il est le fun, le jeu, mais il est bourré de bugs, genre, ou quoi. Mais pas celui-là. En tout cas, je n'ai pas vu vraiment. Ils ont rajouté une fonctionnalité en plus maintenant dans Steam, que tu peux avoir les reviews cotés drôle. Fait que tu peux coter un review pour faire comme, lui, il m'a fait rire en crisse. Puis là, tu les mets drôles. C'est cool. Tu peux comme lire les reviews drôles de jeux, tu sais, parce qu'il y en a que c'est un art, là. Kotaku, on commençait à faire beaucoup d'articles là-dessus. C'est comme, OK, les reviews de Steam les plus pissants qu'on a vus à propos des jeux, tu sais, puis il y en a qui sont vraiment cool. Du trolling, sont meilleur art, là. Fait que c'est ça. Cool. Parlant de zombies, je vais me lancer, puis je vais laisser Eric enchaîner par la suite. Deux choses. Premièrement, non-zombie related. Il y a beaucoup de téléséries qui ont recommencé. Fait que là, je trippe. Arrow est recommencé. Flash est recommencé. Suits a recommencé aussi cette semaine. Hey, Flash, là, une chance qu'il n'y a pas de zombie land. Ça serait-tu plate, man? God, je viens de penser à ça. Ça serait comme un peu à l'opposé. Lui, il est fucking il trop est vite comme, pour rien. Fuck, hein. Ils s'en viennent-tu? Qu'est-ce qu'il faut? En tout cas, mais, j'ai joué un Flash, justement. Dans Flash, justement, il y a eu un petit moment où les gens qui ont écouté Prison Break ont eu un petit plaisir, là, parce que t'avais les deux frères de Prison Break qui étaient réunis et qui faisaient Captain Glass puis Captain... J'ai oublié le nom, là, des vilains génériques. Là. Un avec un gun qui fait de la glace puis l'autre avec un gun qui fait du feu. Là. Oh! Ouh! T'en as un, c'est comme un mastermind. J'aurais jamais pensé à ce concept-là pour un duo. Genre. Sérieux? Ah, ouais, non? C'est incroyable. Fait que, non, mais Flash est revenu, Arrow a recommencé, Suits, que j'attendais depuis un bout. Fait que, tu sais, là, je trippe pas mal télésérie. Il y a Helix aussi qui est à la saison 2. Helix, si vous avez pas écouté saison 1, un show qui a été fait par le Sci-Fi Channel qui est écœurant. C'est vraiment... C'est l'histoire de Resident Evil quasiment. Là. Dans le fond, là, c'est qu'il y a le CDC se fait appeler dans une base en Antarctique parce qu'il y a eu un genre de virus mortel qu'ils ont retrouvé, des choses comme ça. Une grosse conspiration. Je veux pas spoiler la saison 1, mais la saison 2 vient de commencer. Mais c'est génial. Là. Vraiment l'histoire de Resident Evil? Non, mais c'est ça, très Resident Evil-esque. C'est là, ça, c'est pas... Allez pas voir ça en pensant que c'est carrément non, rapport c'est au ça. Jeu. Pis, non, c'est ça. Okay. Une fille qui fait des pirouettes. Puis qui non, non, non, c'est ça. C'est juste, il y a un virus, une grosse méga-corporation. Le type d'histoire ressemble beaucoup. Okay. C'est ça. Okay. Puis j'ai trippé. Puis là, la saison 2 commence. Puis c'est vraiment le fun. Fait que tu sais, il y a un paquet d'affaires de 100 qui a recommencé aussi. Que je trippe. Fait que tu sais, les mid-season breaks sont finis dans le fond, puis il y a beaucoup j'ai de j'ai hâte à Walking jouent. Dead bientôt à Saint-Valentin, je pense, justement. Ils font tout le temps ça. Ah, je sais pas, moi je vais aller écouter Fifty Shades of Grey à la place. Ouais, au cinéma, tout seul. Ouais, tout seul. Ben, pas tout seul, je vais avoir ma boîte de Kleenex. Oh, ok, ouais. Fait que, tu lui donnes un nom pour pleurer. Parce que tu pleurer. Pour pleurer. Ouais. Pour pleurer. Ouais, c'est ça fait peur. André, c'est un sentimental. Hein. Full sentimental. Très sentimental. Mais pour revenir à des zombie-related news, par exemple, j'ai acheté un jeu que j'attendais depuis un petit bout qui s'appelle Dying Light, que j'ai eu la chance de jouer avec Eric. Et on l'a Simon, acheté les deux au lunch. Monde. On l'a acheté au lunch. Puis Dying Light, qui est fait par. Puis là, faut que je compte l'histoire, Eric. Toi, je t'allais déjà compter, mais c'est le fun. Je travaille dans le commerce de détail. Je suis dans un micro-play. Donc, ben, je viens de spoiler. C'est pas souvent que tu le drops, celle-là. Pas souvent que je le drop. Mais là, je le drop. Je suis en arrière d'un comptoir. C'est un vendeur ou un micro-play. Il y a un client qui arrive, puis il dit, « Hey, Moi, ça faisait tellement longtemps que j'attends Dying Light, là, je voulais me le procurer. Il dit, moi, là, les hosties de jeux de zombies comme Dead Island, là, je suis tellement pas capable, là, mais Dying Light, ça va être vraiment bon. Puis t'as l'employé qui arrive pour faire, ben, monsieur, Dying Light, c'est fait par Techland. Puis Techland, ils ont fait, puis je fais juste mettre la main sur l'épaule du commis, puis je fais, regarde, chut. Fait que t'as un gars qui fait, hey, en tout cas, ça va être vraiment bon Dying Light. Puis il achète sa copie, puis il s'en va. Un jeu de survie fait par là. Warner Brothers. C'est ça, tu sais. Puis lui, il est embarqué dans le panneau. Il a fait ça sur Warner Brothers. Fait Bugs Bunny. Fait ça. C'est ça. Okay. Mais tu sais. Mortal Kombat aussi. Ah, okay, ouais. Le gars, il a jamais, tu sais, il a jamais cliqué sur la même fucking compagnie, sur eux autres qui ont. Tu sais. Mais il y a des gens qui comprennent pas la différence entre développeur et. Puis publisher, dans le fond, qui est publisher. Distributeur. Non, distributeur. C'est clair qu'il y a plein de monde qui catch pas ça. Non, c'est sûr. Puis ça, c'est drôle. Ça, c'est le meilleur exemple. En tout cas, ce gars-là, le pire, c'est l'effet placebo un peu, parce qu'il a essayé Dead Island, puis je suis sûr qu'il trippe sur Dying Light présentement. Mais bon, il a vraiment aimé le dernier Shadow of Mordor, fait qu'il se dit, c'est Warner encore. C'est ça, exactement. Mais Dying Light, c'est Dead Island avec Mirror's Edge de plus. Ah ouais. Oui, absolument. C'est absolument ça. Je voulais juste être sûr. Non. Ouais. Ça c'est une chose en plus qu'il faut le dire, parce que expliquez-moi ça, c'est dans mes nouvelles le Dying Light aussi. Tu fais du parcours puis tu sautes sur des zombies. En fait, ah ouais, en c'est fait cool, c'est une ville qui est en quarantaine, en quarantine, puis t'as le en quarantaine, merci, parce que ça c'est comme la 40e. Anyways, je m'en vais pas là. Ils ont tout un char rouge là, puis mais c'était la ville qui est en quarantaine. Puis tu t'as le leader qui a sauvé des gens de la tower que tu vis dedans, c'est comme Gergen. Est-ce que j'adore quand Eric décrit les jeux et qu'ils sont franglais, man? Puis mais qu'est-ce qu'il y a, c'est qu'à un moment donné t'es là pis t'es comme fuck, tout le monde est en train de courir, pis la première mission que t'as, c'est que tu cours sur le top d'une building, pis t'as comme le jeune qui est un jeune qui est là, pis il est comme, ça c'est notre gym, ça c'est le même qu'on a appris à survivre les zombies. Puis il est là, pis il te fait courir sur le top de la building, un parkour course. C'est un gym que tout le monde a fait, tout le monde s'est entraîné à faire du parcours, parce qu'ils ont compris que contre les zombies, ben si tu fais du parcours, tu vas survivre. Ouais. Fait qu'il y a quelqu'un en Pologne, là, Techland, là, qui a comme vu quelqu'un faire du parcours, puis il a dit, man, c'est la clé fonctionnelle pour la survie de zombies. Faut qu'on fasse ça dans nos jeux vidéo. Mais qu'est-ce qui est hot, c'est que le leader de cette tower-là, la communauté, qui sont les gentils, I guess, mais lui, il y a un moment donné où il fait un breakdown, puis il dit, je suis pas capable de contrôler, tu sais, le typical breakdown dans un zombie. T'sais, moi, j'étais un pompier, là. Moi, j'étais un policier, comme pas un policier, mais j'étais un professeur. Il travaille en esti, il est pompier, policier. Non, mais tu sais, travaille en esti, il fait du parcours. Dans des films de zombies, t'as toujours le gars qui trippe, comme moi, j'étais un plombier, man. Je suis pas là pour me battre contre des zombies. Ben lui, il a cette crise-là contre toi. Puis il dit, moi là, Christy, je suis juste un entraîneur de parcours. Pourquoi que je me suis fait embarquer là-dedans? Puis t'as ton hero qui est toi qui parle. Wow, attends une seconde. C'est toi qui as appris à tout le monde à faire du parcours. T'es un sauveur. T'es un sauveur. T'es le gars qui donne gars, l'espoir. T'es le gars qui donne l'espoir, man. Ce qui est cool, là, c'est que quand t'as réservé le jeu, t'as le director Scott. Puis ce segment-là, le speech, tu sais, dans la version ordinaire, c'est genre, hey, t'es un entraîneur de parcours, t'as sauvé tout le monde. Puis quand t'as le director Scott, c'est genre, ta gueule, si t'attendais ton chèque de BS, là. Plein d'entraîneurs de parcours qui nous écoutent sont comme, André, c'est un hater, même si Mirror Edge est le meilleur jeu. Mais j'adore le parcours et les choses comme ça. Mais tous les entraîneurs de parcours qui nous écoutent, venir, ils vont arrêter dis, de rester là. C'est exactement ça, Mirror. Ouais. C'est Dead Island. Mirror's Edge a couché avec Dead Island. Puis ça se passe en Irak. Puis un peu de Far Cry. C'est-tu Irak? C'est comme un Irak mélangé avec le Brésil, weird. C'est comme, c'est très neutre, c'est racial, cette place-là. Fait que Côte des Neiges. Le jeu se passe en Côte des Neiges. Fucking Milter, man. En tout cas, il y a des zombies à Côte des Neiges, puis tu cours partout. À chaque fucking fois que je me dis... Tu sais, notre mention adulte uniquement, là, tu sais, le dialogue, on fait des jokes tellement wrong des fois. Tu devrais quasiment le remplacer par adulte pis fucking borderline raciste, là. Ben, il juste code des lives. Donc, mais ouais. Mais regarde, Dying Light, on va revenir à Dying Light. Ça va peut-être être mieux pour Toutes nous autres. Tous nos éditeurs de France savent pas c'est quoi Code des Neiges. Anyways, fait que... Je m'en allais faire un autre joke, mais finalement, vous m'arrêtez ça, là. fait que Dying Light, c'est ça. Les contrôles un peu parcours, quand même assez minimaliste, vraiment cool. Mais c'est-tu linéaire comme jeu? Parce que tu me parles de Mirror's Edge, open world. Linéaire. Open world. Puis ce qui est le fun, c'est que le mode coop est vraiment intéressant. Parce que oui, tu sais, les personnages, au début, on a tous le même saut. Même année, tu commences à différencier. Puis ce qui est le fun, c'est l'intégration. Nous, on joue sur PS4 présentement. Puis mettons, je donne un exemple. On est dans la même game, moi et Eric, puis je mets un waypoint sur la map. Donc, je mets un endroit où on veut aller, une destination. Aussitôt que tu mets ta destination, ça te dit appuyer sur le touchpad dans le milieu pour partir une course. Voulant dire, là, on peut courser ensemble. Okay. Là, un moment donné, mettons, il y en a un, il fouille à terre et il trouve du stock. Mais là, ça va dire appuyer ici pour partir une chasse au trésor, celui qui trouve le plus de loot rapidement ou des choses comme ça. Le cycle du jour et de la nuit est vraiment important dans Dying Light aussi. Puis la nuit. On n'a pas touché le multijoueur dans la nuit, mais tu t'en allais là, je sais pas. Là, mais ben, ouais, regarde, on a fait du coop la nuit. Il y a des genres de zombies spéciaux qui sortent la nuit, qui sont vraiment beaucoup plus rapides, ils peuvent grimper, ils sont meurtriers au bout. Tu pognes la chienne un peu, tu sais, c'est comme t'as pas de chance. Tu sais, t'arrives dans un safe spot parce que les autres, ils ont peur de la lumière, fait que là, t'es dans les places lumineuses. Puis très honnêtement, au début, j'étais comme, je veux pas y aller trop. Puis là, tu te dis, hey, on joue en gang, ok, on est en gang, on va être brave, on va y aller. Puis finalement, j'étais avec Eric, puis là, un moment donné, je fais, ah, on va aller à telle place, puis là, mon Eric qui fait, ouais, mais la nuit, elle arrive, là. Tu veux vraiment aller faire ça, là, la nuit? En fait, la mission nous obligeait de faire la nuit. Ouais, puis ça a été fucking rough aussi, là. Puis, mais ouais. Exactement comme à Côte des Neiges. Tu sors pas la nuit. Excuse, j'ai manqué ce bout-là. Je voulais chier. Mais le multiplayer est le fun. Puis, ce qui est le fun aussi, puis on l'a pas testé encore, mais il y a deux options dans le multiplayer. Moi, je l'ai testé. On peut spécifier, dans le fond, avec nos amis. Ouais, continue, ouais. On peut spécifier avec nos amis. Voulant dire, ben je veux juste les amis. On peut spécifier aussi que on veut qu'il y ait juste certains types de personnes qui rentrent. Et il y a aussi une invasion de zombies. Mais ça, tu l'allumes quand tu fais une game co-op, t'as une switch. Est-ce que tu veux l'invasion mode parce on que ou non? Invasion mode, c'est qu'il y a des gens qui peuvent rentrer dans ta game en tant que zombie puis venir foutre la merde. Mais en c'est fait, ça le mode play a zombie en fait, dans le ouais, fond. Ouais, play a zombie. Ben, en fait, qu'est-ce qui arrive, c'est que tu. À cause que le cycle de nuit et jour. Si tu joues en coop avec tes chums, puis vous êtes en train de faire vos missions, en train de faire des. On est des errand boys, tu sais, tu vas aider ouais. des gens qui ont besoin de l'aide, fait que tu fais plein de shit stupide, puis whatever. Mais vous êtes tous. Quand on j'ai est vu, quatre en train de jouer. Mais ensemble. Vous êtes tous la même blague. Non, genre. Non, mais comme André disait au début, on pogne des suits, puis ça nous différencie. Mais oui, ouais, on, mais c'est ça. Mais on est quatre clones. C'est juste quatre clones, mais c'est avec des suits différents, en fait. C'est ça, je veux dire. C'est ouais. très weird, parce que quand tu vas à une safe house, il y a juste un lit en. Miltrip, faut qu'on se couche. En plus, toutes les quatre se couchent. C'est ça, même fait que c'est assez étrange. Fait que wow. Mais tout ça pour dire cuillère. Que le mode clone en cuillère. Le mode Be a Zombie, c'est quand la nuit tombe, ben t'as un dude, t'as du monde qui sont en queue pour aider des Be a Zombie. Puis quand la nuit tombe pour une game co-op, tu infectes ce jeu-là, genre. Puis c'est juste la nuit, genre. Okay, ouais. ouais, mais t'es un super zombie qui doit tuer les quatre personnes ou les deux ou les une, doit les tuer 10 fois. Si t'es du 10 fois, t'as gagné ton match de night. Mais si t'es la gang de 3 ou 4, etc., faut que t'aies tué 5 hives. Puis les hives, ils apparaissent à quelque part dans la ville. Puis tout le monde doit aller péter les hives. Puis si tu réussis à péter les 5 hives avant que le zombie vous tue 10 fois, mais tu 10 gagnes. Fois, c'est beaucoup, mais ça. Mais c'est parce que les hives sont différents, sont très, très distancés. Et, ben pas très, mais sont quand même distancés. Puis le zombie, il est très puissant. Très puissant, puis il peut bouger en tabarnak. Là. Puis t'as quelqu'un là, qui t'entend rire, là, puis qui tue, puis qui fout que la merde. Ok, tu l'entends en plus. Non, tu l'entends, je sais pas. Moi, je l'ai toujours désactivé à date, parce que justement, je pense que c'est le genre d'affaire qui va me faire chier au bout. Ouais. Tu sais, t'es sur le bord de compléter ta mission, puis là, t'as un zombie qui arrive, puis qui t'en colle. Mais le jeu, il est le fun. Mais c'est le genre d'affaire que je mettrais à on, comme une fois que j'ai fini l'histoire, puis là, je vais rejouer. Mais l'histoire, même encore là, tu vois, tu sais, tu parlais de l'aspect linéaire du jeu, parce que Mirror's Edge, bien qu'excellent et très linéaire, Dying Light, c'est open world, puis il y a des missions, tu découvres, tu peux te promener sur la map, mettons, puis t'entends Help! Help! Puis t'as un gars qui est soit en train de se faire attaquer par des zombies, ou t'as une gang rivale aussi, t'as un genre de seigneur de guerre qui a pris un contrôle de la map, puis ses goons ils se promènent, pis sont armés jusqu'aux dents, puis ils tabassent le monde pour leur piquer leur stock. Puis fait que toi t'arrives, mettons, t'es sur le top d'un building, tu pars courir, t'entends à l'aide, tu cours dans la direction, tu jumps. Dans tu mon jeu, ils disent help. Ouais, ben écoute, ton PS4 est en français aussi. Mais le jeu est en anglais. Mais le lien avec Mirror's Edge, c'est dans le fond plus dans le gameplay. C'est dans le parcours. De la manière que ça fonctionne, les petites flèches rouges à un moment donné, t'as un runner's sense aussi que tu peux activer, puis ça va t'highlighter, mettons. Mais là, ton bonhomme, il colle du partout à la mettons, Assassin's Creed. Creed ou... Non, pas par... non, parce que ça prend du skills là, dans Mirror's Edge, là, se promener. Ben, là, c'est parce que le système du jeu est le fun aussi, parce que t'as deux côtés, dans le fond. T'as trois classes que tu peux monter de niveau. T'as le survival, trois skills, le parcours, trois skills. Ouais. Survival skills, brawl, combat skills, puis sprinting skills, dans le fond. Fait que t'as des skills de parcours. Qui montre comme dans Skyrim un peu, hein. Ça level le plus ouais. t'es utilises. Puis, mettons, je te donne un exemple. Ah, ça, la fun, nuit, exemple. Les points d'expérience augmentent dans certaines catégories. Donc. Ben, j'ai vu que. Mais ça, j'ai vu sur Internet qu'en lisant des affaires pour le fun, tu le jures que la nuit, tout est comme x2, justement. Puis si tu fais ton move. Mais t'as des zombies normales, mais t'as d'autres zombies qui ont. Tu commences à avoir de ta map, t'as le radar de les visions des gros zombies. Fait que tu peux sneaker. Alentour, puis tu fais pas de bruit pour pas déranger les gros zombies, mais une fois qu'ils te spotent, ils te spotent. Mais t'as aussi, qu'est-ce qui est hot, c'est qu'il y a des trappes partout, comme des pièges que tu peux activer, puis ça l'ajoute beaucoup. En tout cas, le jeu est vraiment le fun. Puis les bugs sont très charmants. Moi, je suis là pour. Non, mais dis-je quoi? Non, mais je dis ça, là, parce que c'est quelque chose que j'aime. Les gens, ils trippent sur des Skyrim, puis ils trippent sur. Tu sais, les gros jeux hyper ambitieux. Qui ont des gros mondes ouverts, qui ont beaucoup de fucking travail, puis que mathématiquement, c'est impossible pour une équipe de 300 testeurs de tout trouver les bugs imaginables quand t'as de l'ambition comme ça. Puis un jeu comme Dying Light, là, des fois, t'as des petits glitches qui arrivent, puis comme si tu comprends le développement du jeu, t'es comme, whatever, ça fait partie, comme c'est impossible de calculer ça. Mais des fois, t'es là, puis on est en train de promener en gang, puis on a un zombie qui est en train de fliquer, comme il était un gars qui était assis à une chaise, I guess. Puis là, la chaise, le physique de la chaise a pété, parce que t'as comme tellement de variables, là, puis who knows, comme tu peux pas répéter ça tout le temps. Puis là, t'as un gars qui est en train de flickerer avec des ombres partout. Mais nous, on le voit tout. Fait que tu sais, t'es à la gang, puis tu spots les glitches comme ça, puis t'es comme, hop, oh, là, on est en train de rire. Puis là, t'es record tout, parce que c'était des PS4. Le premier glitch que je t'ai parlé aussi, c'est que tu sais, dans Dead Island, un des premiers glitches qu'il y avait, c'était pour duper des armes, donc dupliquer tes armes. Tu lançais ton arme, puis avant qu'elle touche le mur ou tombe à terre, t'as droppé dans ton inventaire, puis il y en avait deux qui tombaient à terre. Puis t'en reprenais une, t'as relancé, t'as quitté. Le premier glitch qui est sorti dans Dying Light, puis c'est là que j'ai dit à Eric, j'adore du fait qu'ils apprennent de leurs erreurs, cette compagnie-là, c'est le même calice de problème. Tu lances, aussitôt que tu débarres, puis tu pitches ton arme, tu vas la dropper, puis là tu dupliquais ton arme, t'y revendais faire du cash, t'as quitté. Fait que tu sais, News for Gamer, puis Kotaku, ça a apparu comme en 30 secondes. Le monde, c'est le premier. Tu sais, en fait, un jeu de Techland, on va essayer le bon vieux glitch du dope, puis il a marché encore. Oh, Techland s'en calisse, sincèrement. Ben, le peu, eux autres, c'est sûr, ils ont fait comme, OK, gars, fuck it, il y a du monde qui vont tester ça au début, puis maintenant, on va le bluff. Puis de toute façon, des glitches comme ça, patch, ça passe aux. Les gens en parlent, etc. Mais le premier glitch que j'ai vu avec André, c'est quand il rentre dans ma game la première fois, puis là, je décide de faire une joke, genre comme, hey, on se ressemble. En passant, ça, c'est mon lit, fais attention. Puis t'as juste André qui est comme, ah ouais, c'est ton lit. Puis là, je fais juste me tourner de bord. Puis j'ai André en train de sauter avec les pieds qui dépassent du lit naturellement. En train de dire, fuck your couch! Fuck your couch! Puis c'est des beaux moments, ça. Ça, c'est des moments de multijoueur que j'aime. Où je me tourne de bord. Puis j'ai juste André qui est comme, il vient de commencer à jouer le jeu avec moi. On est tout nouveau au jeu. Soit il est en train de fucking détruire mon lit en disant, fuck your couch surfer. Kicker un zombie à trois. Tu sais, le zombie me fait peur. J'y crisse un coup de pied, il tombe à terre. Puis là, les trois, on le kick en même temps pendant qu'il est à terre. Tu sais. En faisant jouer la toune d'Orange Mécanique. Quasiment. Mais, hey, même, on a coupé un. C'était avec Simon. C'est Simon qu'on jouait avec. Ou ce qu'après, on a, parce que tu peux couper un corps, comme tu coupes les limbes, là, c'est le même que c'est. Puis là, on kickait le torso en anyways. Joue au soccer avec le torse. En tout cas, le jeu, il est le fun. Puis c'est ça. Moi, c'était pas mal mon actualité, sans joke dans les Toi, Eric, je pense que t'as une autre aventure avec des zombies qui s'est produite. Ouais, j'ai une aventure assez intéressante de moi en train de manger mieux puis faire du training puis faire du jogging, des choses comme ça. J'aime l'utilisation du terme aventure. Pour moi, c'est toujours une aventure. Parce que quand j'étais jeune, dans ma début vingtaine, j'ai toujours été un gars, tu sais, très actif, plein des choses. Puis ça fait une dizaine d'années là, que je slack en crise puis j'ai la belle bédaine. Mais là, la vraiment belle bédaine en plus. Mais qu'est-ce qui est bien, c'est que ces temps ici, j'ai décidé de faire du jogging, puis de m'embarquer là-dedans. J'ai eu un coup de tête, là, j'ai dit de la merde, là, je vais recommencer à être actif, parce que je voulais jouer au tennis. Ça a l'air vraiment stupide comme raison, mais j'ai le goût de commencer à jouer au tennis. C'est à cause d'Eugénie Bouchard là, que t'as le goût de jouer au tennis. Hein? Non. Non. Non. Alors, Eugénie Bouchard, elle donne pas le goût de jouer au tennis, je pense. Mais courir à moins 25, ça doit pas être évident. C'est quoi, ça me motive, ça. Puis qu'est-ce qui arrive, c'est que puis la raison t'as pourquoi le goût de rentrer chez vous. Mais de toute façon, tu cours pendant... en fait, je vais modifier, je vais pas mentir trop. Je marche très vite et des fois, je fais des sprints jusqu'à temps que je peux plus. Et ensuite, je marche vite, tout essoufflé pendant 5 minutes. Puis après ça, je réessaie de courir un peu. Ça, c'est mon aventure en ce moment. Mais comment que je le fais, c'est très drôle. Parce que j'ai téléchargé l'application Zombie Run. Puis je sais pas si... Est-ce que tu as déjà entendu... Ben, j'ai entendu parler au... Zombie Run, c'est une application qui est... C'est vraiment hot parce que de un, ça a toutes les affaires cool, parce que ça track tes courses que tu fais, ça track ta vitesse que tu vas, ton trajet que tu as fait. Mais qu'est-ce qui est hot aussi, c'est que tu as un élément de zombie survival où tu as une histoire. Fait que tu as plein d'épisodes. Moi, je suis un plan de 27 jours, mais à chaque jour, c'est courir environ une demi-heure. Puis j'ai une histoire où, avec ma playlist, il y a un gars qui parle. Puis, ben, en fait, un gars qui parle. T'as une histoire audio. Ben, c'est même pas un narrateur, c'est vraiment comme plein de sons. Puis, t'as vraiment une expérience où ce que t'es un gars qui était dans un hélicoptère qui s'est fait dropper. Puis, en fait, faut que je fasse la relation Dying Light parce que j'ai trouvé ça très drôle. Parce que j'ai acheté Dying Light. Puis, dans Zombie Run, c'est pas mal la même histoire que Dying Light. Mais avec un gars de 300 livres qui était soufflé en train de courir à l'entour du stade olympique. Puis, qu'est-ce qui est pas pire, c'est que l'histoire, elle se progresse, elle va vraiment bien. Puis tu ramasses des items, puis à chaque temps en temps, t'es comme « You've picked up some underwear, or you picked up some bandages. » Puis t'es tenté de ramasser des équipements en écoutant l'histoire où t'as du monde qui parle, t'as des drames, tu trouves des enfants, tu cours d'une place à l'autre. Toutes des affaires qui te donnent le goût de continuer à courir. Non, mais c'est parce que qu'est-ce qu'il y a? C'est que t'es un runner. Ouais. Tu sais, dans Dying Light, t'es Runner 31 qui te nomme au début. Mais dans ça, t'es Runner 5, puis tout le monde est des runners. C'est du monde qui court de base à base dans un monde post-apocalyptique à pogner des supplies, les rapporter à la base. Ça fait partie d'une narrative en ce moment. Puis à chaque temps en temps, t'as le gars qui est en train de te spotter de la Watchtower, puis il est là, puis il dit « Oh, there's a few zombies behind you, you really gotta pick up the pace, they're behind you. » Puis là, toi, t'es en train d'écouter ton affaire, puis t'es comme « Fuck, ok, ben là, je vais courir, j'ai des zombies en arrière de moi. » Puis tout ton stock que tu ramasses, tu bâtis une base d'un jeu, que tu bâtis une base un peu un SimCity Lite, là, mais t'es en train de bâtir ta base avec tes items. Puis ça fait 4 jours que je fais ça, puis je m'amuse au bout. T'es rendu avec un shack dans le bois. J'ai upgradé un peu, j'ai des dernières histoires qui se sont passées. C'est vraiment le fun, puis j'aime bien, je me sens un petit peu mieux. T'as-tu sacrifié quelqu'un pour... tu courais, puis... Ah non, ils vont nous rattraper, puis là, shot quelqu'un dans la jambe. Mais je suis sûr que des choses comme ça vont arriver, parce que là, dans l'histoire, je me suis fait jumeler avec une femme... Que à chaque fois qu'on parle avec la Tower par la radio, elle est en train de parler, puis à chaque temps, elle attend à tous. Puis elle est comme, Are you okay? Puis c'est comme, I'm okay, just a deep cough, don't worry about it. Puis là, je pense qu'il y a quelque chose qui va arriver. Ça commence tout le temps. Mais c'est ça. Mais là, je viens de passer une histoire vraiment cool où j'avais une petite fille qu'il fallait qu'on ait sauvée, parce que sa mère, elle avait turné, puis la petite fille était en train de se sauver de la mère. Puis il expliquait une histoire vraiment fuckée, comment est-ce que des fois les parents se faisaient mordre, puis ils savaient qu'ils étaient pour turner, puis ils restaient avec leur enfant le plus longtemps possible. Mais avant qu'ils turnent, ben, ils sauvent le plus loin possible de leur enfant, mais ils les laissent là pour faire ça. Ouais. Ça, Chatelet, tu joguais en pleurant dans le schlag? Un peu, hein? Ah, c'est qui est bon, mon workout? mais ouais, mais t'as l'histoire, puis t'as plein de choses. Zombie Run, écoute, puis je le fais, puis ça va super bien. Tu sais, c'est vraiment facile. Si t'as le goût de commencer à faire quelque chose comme ça, puis t'es moi, puis tu te regardes, tu penses vraiment out of shape, là, fais juste le faire. Au pire, marche au début. Mais à date, c'est ça. Puis je vais continuer à faire des updates en passant là-dessus. Là, ça va mieux en mieux. Puis ouais, go. Je l'avais acheté en spécial, puis je m'en suis jamais. Je l'ai jamais utilisé, puis je pense que je vais m'en servir. Man, essaye-le. Juste parce que la première histoire de 27 épisodes. Ça marche sur un tapis, ça, mettons? Absolument. Ouais, ouais. Si tu veux le faire sur un tapis, il n'y a aucun problème. Ça, parce que tu peux le faire fonctionner avec la distance. C'est ça. Ou tu peux le faire. Ben, c'est vrai que tu peux juste marcher aussi, non, mais ça va contre le système. Ouais. Mais ça va avec le temps ou tout. Puis toi, quand tu écoutes ta musique, on va dire que tu as une playlist de musique, mm-hmm. mais la musique joue. Puis après ça, quand la musique joue, puis il y a une partie de l'histoire qui embarque, mais là, t'entends l'histoire, c'est un peu comme un audiobook. La stick du Chromio là-dedans, ça fitterait pas, moi. Mais t'as plein de choses. Hey, moi, j'écoutais du. Mais moi, avec Fancy Footwork, puis des zombies qui me courent après. Quand je l'ai fait hier, j'étais sur un trip de System of a Down. Fait que je suis en train d'écouter comme les derniers, ben, tous les albums de System of a Down. Puis quand t'as pas de mission. Tu l'as broyé tout le long. Quand t'as plus de mission, quand tu finis la mission principale, ça l'embarque dans un radio mode où ce que t'as deux dudes qui animent un genre de test first radio station post-apocalyptique, de juste deux dudes qui sont en train de compter plein de simagrées de la life on the base, just daily, là, les gens qui chialent du boss ou qui chialent de qu'est-ce qui se passe sur la base, puis après ça, comme tu sais, je suis en train d'écouter, puis ça c'est drôle parce qu'ils coupent, puis Cigaro de System of a Down vient de finir, mais eux ils ont dû, on connaît System of a Down un peu, puis la tune Cigaro c'est quand même Cigaro. Puis à la fin, ça coupe, t'as comme le gars qui embarque, pis comme, ah, that's a song I first kissed my girlfriend to. Pis là, t'es comme, really? mais tu sais, ça, n'importe quelle tune, ça fait la joke marcher. Anyway, okay. Ça c'était mon zombie related. Puis une petite note aussi, un petit clin d'œil à ma semaine aventure PlayStation. J'ai acheté Shadow Warriors, pis fuck, c'est bon Shadow Warrior. C'est fait par Devolver Digital. Ces gars-là, c'est des gars de Texas qui ont été élevés dans Révolution id. C'est tous des gars qui ont été élevés dans des studios de id dans les années 90. C'est eux qui ont fait Hotline Miami en passant. Fait que si tu joues à ça. Ouais. Puis ils ont. Ça, c'est juste PS4, hein, ça? Non, c'est PC, PS4, Xbox One. Il y a l'arcade de Miami Hotline. Mais justement, t'as un moment donné où ce que tu vois les arcades et t'as Miami Hotline dedans, mais c'est la même game. T'as juste la toune, tu le regardes. Ils ont fait plein de jeux, ces gars-là, mais c'est vraiment. C'est sorti un peu en dessous des radars, on dirait. Mais ça a sorti. Il y a eu un petit peu de hype quand il est sorti originalement au PC. Pour les connaisseurs, plus. Ben, ça l'avait quand même sorti. Mais les gens, ils voyaient ça. C'est niche. C'est que le jeu fonctionne sur le Duke Nukem Engine. Ben, Serious Sam Engine, en passant. Ouais, c'est mieux. Mais c'est vraiment du. C'est juste une lettre d'amour au PC Shooter des années 90. Ça n'a aucune prétention. T'as des maps en forme de U, là, comme. Non, mais je sais pas comment l'expliquer, mais comme t'as des maps qui sont bien simples, c'est comme, ok, t'as ça, puis ça se peut qu'il y ait un secret là-dedans, puis t'as red secret, keycard, blue keycard. C'est ça, toute cette shit, là, avec un humour hilarant. Green keycard. Puis un système de katana qui ressemble un peu, qui me fait penser un peu à Metal Gear Rising, mais light. Mais où ce que t'es en train de trancher les zombies, puis ça coupe, tu peux trancher les têtes après. Attends, il y a des zombies dans ce jeu vidéo. C'est pas des zombies, aussi? c'est des démons là-dedans, en fait. Mais là, la nuance. Très drôle le film, très drôle le jeu, excuse-moi, puis ça vaut la peine. Il est à 6$, je sais pas si c'est encore à 6$, mais il est à 6$ pendant un genre de 20th Anniversary Bundle. Bien moins cher que le 20th Anniversary PS4. Pensez de même, ouais. Oui, merci. C'est ça. Mais aller checker ça sur PC, sérieux. Ah non, sérieux, là, c'est, si t'as trippé les jeux, comme si t'as trippé Doom, t'as trippé Shadow Warrior dans le temps, Hexen, tu sais, toute cette période-là de id Software et 3D Realms. Yellow Keycard. En passant, t'as le logo de 3D Realms au début parce que c'était un jeu de 3D Realms. Mais il l'avait, Shadow Warrior. C'était un jeu de 3D Realms. Non, mais je me souviens d'avoir joué à Shadow Warriors. Ouais, t'en avais eu deux. Ouais, c'est ça. Ouais, t'avais eu les Shadow Warriors 1 et 2. Puis ça, c'est un peu le remake de ça. Tu joues le même personnage. T'es un bodyguard, une corpo, que t'es lackey un peu. Puis au début, tu t'embarques dans un genre d'histoire à la Big Showdown, Little China, un peu. Là, Big vraiment, Trouble. Nice. Big Trouble in Little China. C'est vraiment comme plein de stéréotypes tata. Puis le gars, c'est comme un Duke Nukem. Il y a des commentaires tata qui lancent à chaque temps en temps. Puis à cause, ça passe dans le radar. Puis on n'a pas attendu 12 ans pour un peu comme le dernier Duke Nukem. Mais les gens, ils l'acceptent pour qu'est-ce que c'est. Moi, j'ai adoré le dernier Duke Nukem en passant parce que je trouvais que c'est juste qu'on a attendu trop longtemps drôle, pour ce jeu-là. Genre. Mais c'était drôle, c'était c'est drôle, ça. Drôle, mais c'était comme mauvais. C'était comme triste. Un jeu série B. Non, mais c'était comme s'ils savaient qu'il était mauvais. Ouais. Mais c'était triste parce que ça paraît que c'était un jeu qu'à chaque année, il était comme « Oh fuck, on est behind the times, puis on peut plus faire... » Mais à un moment donné, il fallait juste t'accepter qu'est-ce que c'est. Puis qu'est-ce que c'est des dudes qui ont fait un jeu. Anyway, parce que ça a l'air d'un jeu qui est vraiment rabouté comme d'un bout à l'autre. Là. Ouais. Ah, plein de niaiseries. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que Shadow Warriors. Good. Zombie Calme. Run. Ouais, moi je suis pas super gros next-gen, mais J'ai joué quand même à un jeu qui s'appelle Lara Croft and the Guardian of Orisis, quelque chose comme ça. The Temple of Orisis. Ah, c'est top-down. Ouais, c'est comme un Diablo. Je le voulais, puis j'étais pas sûr. Ben, il est cool. Ben, le premier, je l'avais joué, j'avais trouvé pas si pire, mais j'aimais pas l'espèce d'élément de puzzle en même temps qu'il fallait que tu switches tout le temps de personnage. Il y avait un gars qui pitchait des genres de javelots. Tu devais faire des plateformes. Il fallait que tu joues à deux. C'est si ça, tu parce que moi, j'ai joué avec ma femme. C'est un peu de la merde. Mais à deux, ça se jouait bien. Là. Mais, moi, je m'ai fait parler du co-op écœurant de jeu-là. Genre, en gang, c'est le fun. Mais à un, c'était chiant là, parce qu'il fallait que tu alternes. Mais fais juste faire attention que ta femme découvre comment est-ce que les mines fonctionnent. Parce que si oui, elle va te lancer des grenades dans ta face tout le temps, puis elle va rire. Oh, puis ça ruine toute l'expérience. Maudit Julie, on aurait pu finir ce calice de jeu-là. Anyways. Fait que celui-là, ben, ça ressemble beaucoup... ça ressemble beaucoup au premier Guardian of Light, mais là, t'as pas l'espèce d'élément de... Faut que tu switches deux bonhommes. Là, c'est vraiment plus straightforward. T'explores, tu tires, tu pognes du cash, puis tu trouves des trésors... C'est bien le fun, il est crissement beau le jeu. Je suis pas capable de le runner à high sur mon PC. Fait que c'est bon signe. Ouais, je le run à médium, mais il est quand même vraiment beau. J'étais impressionné, mais je suis un peu facilement impressionnable des fois avec les jeux récents. Ça me prend pas grand chose. Je suis c'est beau. Là. Mais non, je l'aime bien à date. Là, j'ai joué peut-être 4 heures à date, pas tant que ça. Là. J'ai commencé ça la semaine passée. Ça a l'air d'un bon petit jeu là, à date. Je suis satisfait. Sinon. Pendant mes vacances, je me suis amusé. Vous savez que je trippe ces jeux louches, moi, des jeux bizarres pis tout. Oh oui. Il y avait une place que j'étais jamais vraiment allé explorer, que je me disais, un moment donné, il va falloir que j'explore ça. C'est la section Xbox Live Indie Games. Sur la 360. J'y vais encore, moi. Allez-vous là-dessus? Ouais, des fois. Oui, ça, j'y vais tout le temps. T'es sérieux? Oh, ouais, je l'ai. T'as des chefs-d'œuvre à une pièce. Hey, man, des fucking chefs-d'œuvre à une pièce, mais t'as de la fucking marge. Oui, c'est ça? La grosse marge. Parce qu'il faut vraiment que tu cherches, parce que je te dirais qu'à 90%, t'as c'est joué de la marde. À Dead Pixel? Oui, oui, petit oui, jeu c'est zombie cool. De côté, là, ça fait penser à River City c'était Ransom. Que... C'est assez Wizard, vraiment. C'est de la merde. Ta gueule. C'est écœurant. Shout out à Tribute. J'adore ce jeu-là. Je m'en doutais bien. Puis en plus, j'étais un fan d'Arkanoid puis ces genres de jeux-là. Fait que moi, j'ai comme trouvé ça vraiment cool. Mais non, c'est ça, j'ai passé, je te dirais, mon dernier mois là, à disséquer ça, là, vraiment, là, lettre par lettre. Là, j'ai browsé lettre par lettre, puis je checkais tous les jeux. Là, t'es check sur Internet un peu. Ben, même pas besoin, tu rentres dans le jeu, puis tu check juste avec review, les screenshots, puis je check la description, puis si ça me parle, ben, je vais faire, on va l'essayer. Ma plus grosse déception du Xbox One, j'en ai pas beaucoup, parce que c'est la meilleure que console qui a jamais existé au monde. Ils l'ont pas transféré? Non. C'est ça que je me coupe. Ça, je là, me posais cette question. Ça me... C'était quand ils ont dit que cette affaire-là. Puis l'affaire, qu'est-ce que c'est que ça reste vivant? Fait que les gens peuvent encore développer. T'as encore des nouveaux jeux qui apparaissent sur cette plateforme-là. Ouais. Puis c'est fait avec leur XND, whatever, XNA. Là, XNA. Ouais. Puis je comprenais juste pas. Je trouvais que c'était. Tu sais, puis les gens, ils chialaient souvent que Microsoft était louche ou poche sur le indie. Puis je trouvais que ça, là, c'était une des meilleures approches au monde. Les gens, ils peuvent vraiment designer un jeu, le vendre. Puis il y a des jeux qui se vendent. Les Minecraft. Clones, il y en a une que t'as là-dessus, qui se vendent à une pièce. Des je me suis pogné un. Des fucking jour, zombie là. Games là-dessus. Des zombie là. Games. Oh, hey, il y a un zombie game Minecraft que j'ai embarqué dedans l'autre jour qui coûte une pièce. J'embarque dans le jeu. Il y a 7 autres personnes sur le serveur. Ah, oh, et plein de monde. Puis c'est un fucking zombie survival. T'as des zombies, tu pognes des points d'expérience. Mais Minecraft graphics. Ok. Ouais. Mais comme j'adore ça. Puis ça m'a toujours rendu triste. Mais. Je pense que Xbox 360, de toute façon, ça a des jambes, comme qu'ils disent. It's got legs. Ouais. Ça va durer pendant des années encore. Oui, mais moi, j'ai pas l'impression que cette section de Indie Games-là, ça va durer éternellement. Moi, j'ai l'impression ça qu'ils vont pouler à plug un moment donné, man. Parce que dans le fond, eux autres, mais ils ont comme... Trafic. Oui, mais j'ai l'impression qu'ils laissent ça comme à eux-mêmes. Ils laissent ça aller, ils s'en crissent. À moins qu'ils fassent le transfert, parce que pour l'instant, ils n'ont pas sur Xbox One. Mais c'est parce qu'ils ont décidé d'arrêter de développer XNA. Ils ont laissé ça tomber. Fait que là, XNA, il n'y aura plus de... Support, les développeurs de tout ça, il y a encore du support. Ils vont s'aider entre eux puis tout. Mais je veux dire, il n'y aura plus de nouvelle version. Puis pendant ce temps-là, tu as Spark sur Xbox One qui s'asseye fort. Ouais. Mais... Ça ne marche pas. Mais ça... Man, je sais... Spark, ça a du potentiel. C'est juste que... Parce que Spark... Explique-moi c'est quoi. Mais Spark, c'est un peu comme le XNA, mais plus avec des outils vraiment plus accessibles. C'est plus WYSIWYG, là. Tu le vois, le jeu, là, puis c'est comme tu joues à Fable Live, puis tu décides, bon, je vais mettre pause, puis je vais mettre des affaires dans mon monde, genre. OK. C'est ça, puis mais un peu... Moi, je comparerais ça plus à un... Parce qu'ils ont teasé Conquer dans Spark. Ouais. Tu te rappelles? Parce que dans Spark, tu peux carrément faire ton propre jeu de Conquer, ton propre jeu de Banjo-Kazooie... c'est vraiment un platformer, comme si tu veux 3D, faire un beau platformer, tu peux aller à ce style là tu peux très bien le faire facilement, mais en plus de ça il y a des gens qui jouent un peu avec des outils pour, où ce que ta caméra est sur le côté puis là t'as un genre de jeu dans le noir où ce que t'es en train de comme tu peux il y a des gens qui ont inventé des jeux de balles, des arachnoid, un peu des pong, un peu comme un Little Big Planet, je trouve, mais en fait c'est un Little Big Planet mais bien mieux. J'allais dire Disney Infinity. Non Mais... Dans le fond, ce que tu recommandes, c'est d'aller regarder encore quand même la section. Sérieux, là, je me suis fait vraiment du fun. J'ai trouvé des jeux incroyables. C'est une suggestion d'un jeu? One Finger Death Punch. Man, sérieux, c'est l'affaire la plus malade que t'as pas. T'es comme des sticks, des bonhommes en allumettes, style, des stick fighters, mais qui fait du kung fu. Puis c'est un espèce comme un jeu de rythme. Il faut que tu pèses comme les bons pitons au bon moment parce que tu as des bonhommes qui arrivent de gauche puis droite en même temps. Différents types de bonhommes. En tout cas, ça évolue tout le temps. Tu as des centaines de stages, mais c'est fucking addictif. Des centaines de stages, le jeu est quoi? Je pense 250 stages. C'est une pièce. Je me souviens plus. Il est combien? Il est entre 1 et 5 pièces. Je me souviens c'est rare des jeux indie plus chers qu'une pièce. Non, c'est ça. Non, il y en a à 3 pièces, il y en a à 5. J'ai jamais vu plus que 5. Plus que ça, mais celui-là, il est vraiment de qualité. Là, c'est impressionnant. One Finger Death Punch. Puis c'est fucking impressionnant. Si tu connais un peu les films de Kung Fu, tu vois, chaque tableau, mettons, il y a son style de combat. Il y a des références. Tu sais, mettons, le style de la crane fighting style. Là, t'as comme le tiger, puis tu fais des moves, là, pff, ça fait apparaître des gros tigres, puis tu détruis tout le décor en même temps que tu bâches le monde. Tu pognes des armes ou, mettons, tu tues un gars avec une épée, l'épée elle revole, tu l'attrapes, tu commences à faire des combos, puis man, c'est fucking impressionnant. Moi, j'étais sur le cul quand j'ai vu ça. Ça pourrait vraiment être sur le Xbox Live Arcade, là. Tu sais, c'est vraiment... Ça a pas l'air d'une cochonnerie, là. Ouais. Tu vois, mais c'est ça, c'est parce que t'as les deux extrêmes. T'as comme des jeux qui sont de qualité, qui sont vraiment beaux puis cool. Pis t'as de la marde, là, le gars qui a fait ça dans sa cave tout seul, qu'il vient de sortir de l'école, pis il a décidé de faire de quoi qui marche pas pantoute, ouais. Mais il fait des tests pis il l'uploadé. Il a décidé de « Oh, je vais le vendre une pièce, mon démo de marde que j'ai fait pour l'école », tu sais, c'est vraiment ça, là, pis... Pis il y a du monde qui la jette. Probablement, mais en tout cas... Pas beaucoup. J'en ai trouvé, mais... en tout cas, une gang de vraiment hot, là, mais c'est celui-là que je vous suggérerais. Allez voir ça, là. Bon, ben cool, merci pour la suggestion. Parlant de suggestion, je vais vous suggérer, messieurs, qu'on prenne une pause. On a busté l'actualité cette semaine, on est rendu à 1 heure. Oh shit, hein, on a doublé le temps, mais c'est pas grave, on avait des trucs pertinents à dire. Mais parlant de trucs pertinents, on va prendre une petite pause ravitaillement et décharge, puis on va revenir dans 5 minutes. Good. Pareil comme dans Wayne's World. Pareil comme dans Wayne's World, avec Eric qui se tasse, puis il est comme... Crunch. T'entends juste pareil comme dans Wayne's World. Non, pareil comme dans Wayne's World. These ruffles are very good, Andrew. Don't you like this? I am drinking right now some wonderful Grolsch beer. Oh, look at that! Nuprime. Grolsch beer. Nuprime. Petit, jaune, différent. Ah, moi, j'écoutais en français, j'avais super écrit. Ouais, moi, je suis en train de faire la... Mais tu sais, c'est un des films que la traduction était quand même était comique, bonne, là. Cool. Il y a une couple de films, même qu'en français. Les lavigueurs déménagent. Ouais, comment allez-vous payer? Polaroid. Mais les lavigueurs, c'est normal, c'était même pas anglais à la base. C'était suisse, Mais Slapshot, je pense, c'est le plus gros classique, là. Personne s'en calisse en anglais, mais en français, c'est ça qui est vraiment... Il est moins bon en anglais qu'en français, c'était, j'imagine. C'était comme Goon aussi, là. Ouais, le Slapshot récent, que le monde s'en en calisse en anglais, puis... Quel chef-d'œuvre de 2014. C'était bon, ça. Je me souviens même pas. C'est moi, j'ai aimé ça. J'ai jamais vu. Ben, c'est un film avec... comment il s'appelle? Là, avec des Juifs de Montréal. Qui non, le jeune, là... C'est même pas une joke. Le gars qui fait Stifler, il joue dans tous les films ouais. De... Jay Baruchel. Hein? Non, c'est pas le gars qui fait Stifler. Il joue dans tous les films de Pods, là, genre, c'est ça? Non, mais attends, là... Pas Claude Legault, mais... C'est parce que Goon, c'est le gars qui fait Stifler. Mais si je me trompe pas, c'est Avengers, Stifler. Non, mais c'est mais il y a le Québécois. Jay Baruchel. Il y a le Québécois, là. C'est pas un arnaque. C'est pas Stifler, il est pas des Avengers. c'est Captain America. Il a baisé ma mère! Non, mais le gars qui fait Captain America, c'est le gars dans... C'est dans 10 Things I Hate About You, là, qui est tout nu, puis il se met de la crème fouettée. C'est Captain America. Scott William. Okay. Sean William Scott. Sean William Scott. Mais Jay Baruchel, il est dedans. Ben oui, il fait son ami qui fume du pot. Ouais, mais en plus, je pense que c'est lui qui l'a écrit, le film. C'est Jay Baruchel, là... Je pense que chaque rôle, à part Trotsky, c'est il qui, fait lui? Un petit stoner. Ouais, c'est, en fait, c'est écrit par Jay Baruchel et Evan Goldberg, qui est le bro à Seth Rogen. Ben, Seth Rogen. Ouais, mais moi, je voulais dire que c'était avec Marc-André Grondin. Tu sais, le genre d'acteur québécois cool, artiste que toutes les filles trippent dessus. C'est lui qui joue dans Crazy? Ouais. Je viens de perdre l'intérêt total envers ben, la conversation. Ça. Mais c'est lui. Mais c'est toi qui as mentionné Crazy. Quoi? Je sais pas. On parlait de quoi? Fait Power Chasers. Acteur québécois, là. Moi, tu me perds tellement. Donc, je connais personne. Je connais genre Michel Couillard, puis Datsus. Roy Dupuis. Puis c'est pas son nom d'acteur. c'est pas son nom d'acteur. Roy Dupuis, c'est pas son nom d'acteur? Probablement pas, le P. Ben non, d'acteur, oui, mais de vrai nom, c'est probablement pas. Qui s'appelle Roy? Comment? À part Roy Dupuis. Ouais, non, t'as un point. Fake name. Lui, il se ferait flaguer sur Facebook pour faux nom. En tout cas, j'ai dit ça. C'est peut-être son stage name. Peut-être quand il dansait au 281. Oh. Tu dis Inside, c'est encore Inside, ouais, mais c'est dans le temps. C'est dans le temps que Milter était au 281. J'ai changé. J'ai changé. Tu sais, le moment que tu te dis, je le coupe-tu au montage, je le laisse. Je me tenais à comme... côte des neiges j'ai... dans ce temps-là. Là, je comme je l'écoute, puis je comme je le non, coupe non, mais pas. En fait, l'épisode 53, c'est comme un train où à un moment donné, j'ai vraiment perdu le contrôle, puis je suis comme, on va voir jusqu'où on peut aller, puis ça va être un alors, notre invité est Carl. Exactement. Carl, là, on a pris une pause, une courte pause, on a mangé des chips, on est allé faire pipi. On a dit n'importe quoi. Game chasing. Oui. La chasse aux jeux vidéo. La chasse vidéo. Aux jeux vidéo. C'est quoi? C'est quoi? Ben en fait, c'est quatre gars. Il y a moi, il y a Zef, Joe Le Zef, qui est aussi un ami de longue date. Il y a Poelman, que lui, c'est notre caméraman. Puis il y a Michael Larouche. Sinon, avant ça, ben vous l'avez vu. Qui est déjà venu récemment en plus. Michael Larouche. Oui, vous le connaissez très bien. Puis il y avait aussi Nick Chalifou, mais là, Nick Chalifou, il a pris un petit break de tout ce qui était projet, là, parce qu'à cause de sa job. En tout cas, je ne rentrerai pas dans les détails, là, mais c'est bien correct. Là. Ben, bon succès à on lui est bien chum avec lui hein, quand même. Là, travaille pour Sega, lui. Hein, c'est ça, ouais. Travaille pour Sega. Sega, justement. Que... Travaille fort pour Sega. Ils viennent de mettre à pied aujourd'hui, je pense, 500 postes. C'est ça, c'est ça. Ouais, hein? On espère qu'il y a encore sa job. Segata Toshiro, il travaille-tu encore là-bas? Non, il a sauvé le Japon, je pense. Dans sa dernière publicité d'un missile ou quelque chose. Il est mort en même temps que Scatman John. Un peu avant Scott Juste Manchon. Un peu c'est avant. Vrai parce que je pense que en 98 ça a pas mal ils ont eu un avant. Enfant illégitime qui s'appelle Scatman Toshiro Oh shit on vient d'aller loin dans le méta du web on vient de perdre 99% du monde, il y en a peut-être un à quelque part qui est comme man moi je comprends c'est de quoi vous parlez puis il est bien heureux hein. on te parle man. Souvent ce gars-là texte Eric à 4h du matin ouais. Shout out à Pierre ouais Pierre fait que là okay, ouais. Vous cherchez des jeux vidéo mais là partez-vous avec une liste prédéfinie genre on a notre trip différent tu sais dans le fond moi c'était tout du monde que je connaissais que je savais qu'il allait avoir une bonne chimie entre eux autres puis aussi pas du monde qui collectionne tout la même affaire pour pas trop se piler ses pieds. OK. Ben, ça répartit un peu aussi les thèmes, si on peut dire. Oh, oui, pas... parce qu'il y en a bien des fois, le monde, là, ils vont tous chercher les mêmes affaires, puis ils vont faire des chicanes à cause qu'ils vont magasiner ensemble. Puis si c'est trop Nintendo que vous magasinez, ben, tous vos revenus, tu sais. Ben, c'est cas, ça, tu sais. On rentre pas. Fait que chacun a sa petite niche, dans le fond. Fait qu'on s'entraide, puis tout, puis. Dans le fond, c'est vraiment sur le coup des fois parce que tout dépendamment où ce qu'on va, tu te dis, mettons, la dernière fois qu'on est allé à Québec, il y a des affaires que je voyais, j'étais comme « Ah, ce jeu-là, je le prends-tu? Je le prends-tu pas? » Mais tu sais, tu t'es déplacé, mais fait que t'es comme ça, ouais. « Tu dis, ah, ben, je vais l'acheter. » J'ai pas là, le choix. Je vu me que suis t'es à Québec, tu veux rentabiliser. Fait que il n'y a pas de liste prédéfinie dans ma tête que je veux. C'est sûr que je sais ce que je veux en général, puis je check souvent les prix de ce que je cherche. Fait que je suis au courant un peu de si je me fais fourrer ou pas. Là, mais ça, c'est un détail important. Tu mentionnais tantôt, quand on faisait l'actualité, le prix a augmenté, puis à Star, c'est rendu cher. Ouais, ben je te dirais que depuis 2-3 ans, là, ça a vraiment grimpé. Là, c'est incroyable. Surtout pour les collectionneurs de NES et de Super NES. Cette passion-là, elle a explosé. Bon, surtout Super NES, je te dirais que les prix, ça n'a crissement pas de bon sens. Là. Ça monte en fou, là. Mais oui, il y a une grosse vague du rétro, là, je te dirais. Ben, depuis tout le phénomène des YouTubers comme le Angry Video Game Nerd, ça a pas mal toute partie de là pour bien du monde, tu sais. Donc moi aussi, ça a parti un peu de là. Tu sais, je checkais lui, j'ai fait comme « Aïe, c'est bien cool ». Du monde se sont découvert plein d'autres mondes après, parce que j'ai comme fait « Crème, il y a du monde qui font ça ». Avant ça, tu sais, j'avais jamais pensé de commencer à checker « Ah, y a-tu du monde qui font des... » Mais je suis surpris pareil parce que selon cette règle-là, le prix de la bière aurait dû augmenter incessamment depuis les, tout le nombre de personnes sur YouTube, de podcasts qui s'alimentent à ce doux breuvage. Ça marche pas pour toutes, je pense. Je pense que c'est déjà le monde, ils savent déjà qu'il y a de la bière quelque part. Fait que, la bière, c'est moins renouvelable. Surprise, c'est renouvelable. Et, ouais, c'est ça. Shout out à Mathieu Gosselin. Mais les jeux, comment on va dire ça, vu que plus que le temps avance, les prix montent naturellement parce qu'à chaque jour, techniquement, il y a des copies qui se maganent un peu plus. Puis. Il y a des cassettes qui se font peut-être jeter et détruire. Fait que le nombre d'exemplaires pour chaque affaire... Tu sais, je dis chaque jour, j'exagère peut-être là, dans un sens. Mais techniquement, c'est ça. Parce que chaque jour, la qualité de tout dégrade, à moins qu'il est méga bien protégé. C'est surtout qu'il y a beaucoup plus de monde qui se sont mis à collectionner ça dans les dernières années. Fait parce que ça a donné le goût au monde. La rareté est là, c'est ça. Oh, oui, le monde s'influence entre eux, puis ils font comme « Ah, man, c'est cool, il y a plein de jeux. Ah, ben moi aussi, je me souviens de ce jeu-là, c'était le fun. Ah, carré, je vais aller m'acheter une vieille console. Je vais commencer ça, puis tout le monde... Fait que là, ça a comme créé un genre de rareté encore plus. Puis surtout que, c'est ça. T'sais, souvent, c'est le retour à ce qu'on jouait quand on était jeune, les bons souvenirs d'enfance ou les trucs que t'as pas pu jouer quand t'es jeune, quand t'étais jeune parce que t'avais pas le fric. Tu le trouvais pas. C'est ça. Puis finalement, il coûte 4 fois plus cher quand t'es rendu adulte, puis t'as le pognon. Donc... Et voilà. Fait que là, tu te dis, je l'ai le pognon. Des fois que je trouve drôle, moi, peut-être c'est dans l'âge que je suis, mais. Genre, je les ai joués dans le temps, ces jeux de NES là, c'est un souvenir nostalgique de j'ai joué, puis je me rends compte qu'il n'y en a pas tant que ça que j'ai pas joué, genre, au NES ou au Super NES, là, j'en louais tellement de cassettes tout le temps que je me rends compte qu'il n'y en a pas beaucoup que j'ai passé à côté. Mais des fois, je regarde des plus jeunes, dans le début vingtaine, qui, eux autres, sont nés, puis leur premier contact, là, c'était... Ils sont nés, la Super NES existait, là. Puis ils étaient jeunes. Fait qu'ils ont même pas joué avec, puis ils ont carrément commencé avec une Nintendo 64, ou même une GameCube pour certains, genre. Puis là, eux autres... Tu te sens vieux, là. Oui, je me sens vieux, mais que je vois eux autres, après, qui achètent du rétro de NES, puis de Super NES, puis que je suis comme, waouh, t'étais même pas né. Ça me fascine. Et où ta nostalgie là-dedans? La même chose peut être dit pour des tripeux de musique. Ce que j'allais comparer dans un sens au même aux jeunes qui étaient carrément pas nés dans le gros hype de Led Zeppelin, puis qui décident de triper Led Zeppelin, ou combien de jeunes au secondaire qui trippent Beatles, Nowhere, ils ont une petite pause Beatles, puis tu fais comme, Christ, t'es intense pour un band d'il y a 60 ans, tu sais. La même personne qui va dire sur Twitter qu'elle ne comprend pas c'est qui Paul McCartney et qu'est-ce qu'il fait Kanye c'est West. C'est sa meilleure amie ou son partner de cause à l'école. Il y en a une qui ne sait pas c'est qui Paul McCartney et qui pense que Kanye West va l'amener au top. Puis son partner de cause, mais elle écoute les Beatles à côté. Mais qu'elle ne sait pas que Paul McCartney est dedans. Oui, puis elle ne sait pas que Paul McCartney est game de collaborer avec Kanye West. Ou elle se dirait jamais qu'il ferait de quoi avec lui. C'est comme l'épaisse aux États-Unis, je sais pas c'est qui, là, mais elle a dit genre, par rapport à l'affaire de Je suis Charlie, elle était comme, pour comment ça que le monde n'aime pas, pourquoi vous aimez pas Charlie Brown? Elle a pensé que ça, c'était en référence à Charlie Brown, genre. Puis elle disait, c'est ça, vous autres, vous aimez rien. Une méga fan. Qu'est-ce qu'il vous a fait, Charlie Brown? Puis elle était partie dans son délire. Moi, je suis un optimiste, puis je pense que c'est des gens qui trollent puis qui niaisent des gens, ça. Ah, pas sûr. J'espère. C'est ça, moi, je me dis toujours. Un gars qui écrit des notes pour la fille des nouvelles, puis elle va le dire. Quand t'es rendu bas de même, tu peux juste t'améliorer, tu sais. Ouais, vu ouais. de même, faut... André, il est positif. Je vois juste un André. Potentiel d'amélioration. C'est comme, tu peux pas être plus cave. T'sais, tu peux pas être plus détaché de l'actualité bas, ouais. mondiale. Ouais, ouais. C'est comme... et d'être un newscaster. Ouais, ouais. Mais en tout cas... Fait que je suis curieux, dans les Power Chasers, yes. Les places que t'as préférées aller visiter dans les genres de foires ou dans les... Ben, définitivement, c'est les épisodes que j'ai aimé le plus monter et tourner, c'était quand on allait des marchés aux puces. Ben, c'est ça. Puis t'as-tu des bons exemples des bons marchés aux puces? Ben, j'aime bien Saint-Eustache. C'est un bon classique, ça. Mais côté business, pour toi, c'est aussi les marchés aux puces qui sont plus... Ben, ils sont si plus on peut profitables dire plus parce que rentables, ouais. Il y a bien du monde aussi qui trouvent leur deal dans les ventes de garage puis tout, ouais. Mais moi, j'ai pas la patience de me taper des ventes de garage puis commencer à têter tout le monde. Avez-vous des jeux? Regarde, j'ai pas le goût de commencer à... Non, mais t'as quand même des quartiers dans les banlieues souvent qui font leur fin de semaine de vente de garage pour que tu saches quand est-ce que c'est. Mais des fois, ce qui est pas pire ou ce que je suis déjà allé, c'est... Ouais, mais tu sais, genre, la semaine après la vente de garage, tout le stock, mettons, qu'ils ont pas vendu ou ils ont resté pognés avec, ben ils vont tous porter ça à quelque part. Comme, puis nous autres, là-bas, tu peux les ramasser pour vraiment pas cher. Ça, je l'ai déjà fait une couple de fois. C'est ma blonde, elle va souvent dans ces trucs-là, puis elle me ramène des affaires, fait que... C'est vraiment cool. Moi, j'ai bien aimé une des premières fois quand on jasait ensemble, je t'avais parlé de la chute. Puis finalement, vous êtes allé faire votre tour à la chute. Ben là, j'ai adoré le vidéo. C'est toi qui m'as comme teasé avec ça. J'étais comme, ah oh, man, faut aller là. Ça a l'air avoue trop que l'expérience est quand même assez fuckée à la chute. Oui, non, c'est vraiment. Ben, c'est cowboy, là, tu le vois. Là. Carrément. Là. Puis non, on a bien trippé là-dessus. On n'a pas. Côté jeu, c'était hit or miss. Là, on n'a pas trouvé des tonnes d'affaires. Mais pour du louche puis des affaires, je pense qu'on était bien. Avez-vous vu le locker de figurines vintage? Il y a comme un gars, tu sais, à un moment donné, t'as des garages. Ouais, ouais. Puis un dude, sa spécialité, c'est les vieilles figurines. Tu rentres, il y a comme un vieux paddock de garage, puis c'est loadé de vieux stock, là, du vieux Kenner de Star Wars. Oui, oui, je pense qu'on est allé. Je pense que je m'ai même ramassé. C'était-tu là que j'ai ramassé un board game? Ou en tout cas, c'était pas loin de là. J'avais ramassé un board game d'Astro, le petit robot. Oh là. Shit, nice! Puis à 5$, j'étais comme, wow, c'était un Christy de beau board game. Là, ouais. Tout encore même pas déballé. Fait que j'étais comme. En plus. Why not? Tu le déballes même pas. Non, je l'ai comme foutu sur le dessus de mon arcade. C'est juste beau à mettre. Puis, ouais, c'est ça. Mais tu le jeu avait l'air cool. Mais moi, c'est quelque chose, tu t'as dit les affaires louches. Moi, quand je regarde vos vidéos, parce que je regarde avec mes gars, ils ont 4 puis 2 ans. Ben, 4 ans et demi puis 2 ans et demi. Ça, là, c'est vraiment cool. Puis ils comprennent fuck all. Mais ben, ils vous regarder des jeux, puis ils trouvent ça drôle, puis ils pointent. Regarde, papa, le jeu. Puis je suis comme, ok. T'as aucune idée, c'est quoi, là, ça, là, papa, un chandail de loup. Ouais, ben vous virez une affaire bâtard, puis vous sortez des commentaires, vous êtes carrément en train de filmer le stock devant une madame qui a clairement manqué d'air à naissance, genre. Puis elle est là devant, elle vous regarde, là, puis vous autres, vous êtes en train de comme bitcher subtilement le stock avec des jokes en regardant de quoi. Puis ça me fait assez rire. Là, puis... On essaie de pas trop filmer les vendeurs, mais des fois, ça, si tu veux pas, ils sont dans le plan. Si ça serait le GoPro, freehand, s'ils voient pas quelque chose dans vos mains, ils pensent pas. Fait que s'ils étaient accrochés après vous autres, sûr que tu pourrais tout filmer tout le monde, puis il y a personne qui s'en rendrait compte. Ouais, ils sont mis en ligne, par exemple, c'est sûr. Ouais, mais faut qu'ils te regardent. Ben, tu peux pas, t'as pas besoin de masquer le visage un peu. Ou... Ben, en fait, je pense je pourrais le faire, mais fuck that. Tu fais pas exprès non plus. C'est ça, on fait mais... pas exprès pour les filmer. Fait que, le but, c'est plus les produits. Exact. Parler des jeux qu'on trouve, parler des conneries ou des genres de souvenirs. Si on voit un vieux jouet de notre enfance, c'est comme un moment donné, je tombe sur Skyfire, le Transformers, qui est un vaisseau blanc et rouge qui était en fait le vaisseau des Macross. Tout le monde capotait. Les Transformers. Fait que là, j'étais comme, oh shit! Tu sais, c'est... Tout le monde est ça, arrivé au tour. Ou connaissait quelqu'un quand il était jeune qui l'avait. Ou, c'est jamais toi qui l'as. Hein, quand non, t'es jeune, moi je l'avais pas. Tu connais tout le temps. Je le voulais. Tu laissais le gars. C'est-tu qu'il l'avait. Puis le petit tabarnak. Il a tout le temps mérité. C'est ça. T'avais son âge, mais tu utilisais pareil petit tabarnak comme terme dans ta tête quand tu pensais à lui. Oui, je suis d'accord. C'est une affaire un peu que j'aime de votre série, surtout avec les Power Chasers. C'est que t'as bien des vidéos de le gars qui montre qu'est-ce qu'il a trouvé. Ouais, à la fin, il y a tout le temps. C'est ça. Ouais, moi, j'aime voir l'aventure de le trouver. Ben, c'est ça. C'est ça que j'aime cool. C'est ça, parce que ça, habituellement, c'est le monde font des vidéos, beaucoup de trouvailles. Ils vont comme montrer leur stock qu'ils ont acheté durant, mettons, le dernier mois. T'sais, c'est super intéressant, mais t'sais, tu vois jamais comment qu'ils l'ont acheté. C'est plus, ou comment que ça s'est passé. Il y a tout. Moins de vie dans la vidéo, disons. Ouais. Là, parce qu'il est assis souvent puis il l'explique. T'sais, tandis que vous autres, t'as le bout que vous dites que vous avez eu, mais. T'as c'est chase, ça, j'aime ça les affaires un peu chase, tout croche, là, tu sais, ouais. Comme tu te promènes dans un espèce de corridor qui a du stock partout jusqu'au plafond, puis tu sais, c'est fucking random après ouais. Random, là, ça, j'adore ça, là, tu sais. Puis les anecdotes de phrases louches, puis de... Oh, oui, c'est, non, c'est ça, on a bien du fun, c'est ça. Dans le fond, c'était ça le but, on voulait pas que ça soit, parce que souvent, tu sais, c'est souvent très geek, tu sais, ce que le monde fait, ils vont parler de jeux puis tout, mais tu sais... Essayer de classique, le sortir du moule. Ben, c'est ça. Essayer de rire de tout ça, faire des jokes, t'sais, montrer qu'on est du monde normal, que pas tout est pas stagé ou qu'on n'a pas comme un texte. Ou... Parce que souvent, ouais. Surtout ces émissions-là, comme qu'on parlait tantôt, ouais. De Storage Wars, toutes ces storage affaires-là, wars, ouais. Ça, c'est fucking stagé au max, là, on ouais. S'entend, ouais. Là, tu sais. Mais... Même Pawn Stars, tout ça, là, c'est... C'est tout arrangé. Hyper stagé, là, surtout t'sais. Le domaine du jeu rétro, je trouve qu'il y a... Il y a une certaine niche où ça vient avec le sérieux. Tu sais, c'est comme, c'est très sérieux, c'est très, tu niaises pas avec ça, puis c'était tel, tu sais, ben dans parce beaucoup que les collectionneurs ça, sont très passionnés, puis souvent sont trop passionnés, qui s'en est comme maladif ou débossant. Malaisant pour certains qui connaissent pas ça, des ben fois, ouais. Parce qu'ils sont comme, come on, là, ouais. Moi, intense. Je me souviens, l'envers de la médaille, tu sais, quand on avait certains jeux, puis tu sais, moi, je me souviens, dans les débuts de ma carrière, dans les magasins de jeux vidéo, tu sais, tu fais du rachat, puis le gars, il arrive, puis, hey, tu me donnes combien pour ça, puis il était quand même de ses chums, puis il arrive avec sa collection, puis tu regardes, puis, oh OK, boy. Ben, regarde, Chris, je te donne, OK, ben, mettons, Chrono Trigger, OK, il m'a donné... Peut-être un 30-40$ là, tu sais, ouais, à ouais. Peu près. Ça, c'est 30-40$ pour Chrono Trigger, là, je parle peut-être 2001-2002, okay. Tu sais. 30-40$, voyons, c'est 150 sur eBay, puis... Mais ouais, ben, va aller sur eBay, parce que moi, il faut que je fasse un profit, j'ai un loyer à payer, j'ai des employés à payer, tout le kit. Fait que, regarde, Chris, si t'es venu me vendre ça à moi en pensant que t'étais pour avoir le prix d'eBay, ben, t'es non. Un peu cave, non, non, t'sais, c'est ça. Habituellement, c'est le tiers de ce que... Ouais, tu sais, mettons, dans le temps, là, le retail sur eBay, là, mettons un Chrono Trigger, là, puis je parle pas Mint in Box, là, tu sais, c'est la cassette avec les initiales Jean-Christophe sur le côté, là, gravé avec un exacto, là, fait que c'est même pas un C, c'est un V sur oh, le can. Ouais. Nous autres, on les shout-out tout le temps quand on trouve une fucking cassette avec un nom, là, on le shout-out. Marqueur noir. On tabarnaque, toi. Là. Mais comment c'est tu sa mère, c'était ça, pas de sa faute, c'est sa mère qui... On a vu un la semaine passée, une soirée, je sais pas, cassette, il y a quelqu'un qui avait acheté, je pense que c'était une copie d'un Street Fighter ou quelque chose comme ça. Puis c'était pas écrit en marqueur, mais c'était un club vidéo genre à Rouen. C'était fondu dans la cassette. C'était fondu genre, dans la cassette. Un genre de stamp. Là, qui, oui. Comme, mettons, ouais. Quand ils font ça sur oui. Une fesse d'un un veau, je sais pas. Mais... Qui fait ça? Pourquoi je fait ça? Je sais pas. Ça devait être du monde de la mais, chute. Mais qu'est-ce qui fait rire de ce système de protection d'antivol-là pour la location? Ils sont comme quoi? Tu t'attends-tu qu'il y ait une police de location qui va checker la collection de jeux vidéo de ce kid-là chez eux. C'est comme, ça appartient à des carrés vidéo, mon tabarnak. Je le vois, là, comme... C'était comme... Anyways. Ben, en fait, c'était plus une méthode d'identification parce que moi, j'ai... Moi, la première job que j'ai eue le faire, vidéo... Le là, faire chauffer, là. La première job de club vidéo que j'ai eue, moi, c'était en 99, OK? Puis, tu sais, c'était comme fin cassette. Gars, j'ai déballé un GameCube, j'étais comme, oh my God! Je capotais, tu sais. Mais... buriner les cassettes de même. Buriner, c'est ça le terme pour demain? Ouais, buriner. Pas burner, là. Ou quoi de même. Buriner. Veux-tu te faire buriner, ce qui arrivait, là, c'était plus le fait que les clubs vidéo, on se faisait défoncer souvent. Fait que, tu sais, le monde... Allez, renforcement, fait le mouvement de buriner de fesses. Il défonçait, puis il partait, mettons, avec ton tiroir de cassettes ouais, au complet. Ouais, mais c'était tout dans un meuble, fait que c'était facile à voler, dans le fond. Là. Ouais, c'est mais... pas un rack. Avec le meuble, puis. Ben, ouais, c'est ça, tu sais, c'est le tiroir plein, genre. Il y a des gars qui attachent des chaînes à anyway, le but, c'est pas ça, là, l'histoire en tant que telle. Je parlais de pourquoi qu'on marquait les cassettes. Là. Mais c'est parce que quelqu'un qui punch pique up. L'inventaire de cassettes, c'est ça. Il va au punch-up, puis il le vend. Puis, ben, selon la loi, c'était capable de prouver que c'était bien, puis t'as l'affaire. Mais tu peux les récupérer dans un délai légal. Puis en le réalité, punch la up, police les ramène jamais. Puis, le punch-up sont supposés, s'il y a une indication comme ça, de appeler pas appeler ou appeler avant, puis de vérifier leur source. Puis... Fait que ça, c'est un peu pour ça. Mais sauf que la majorité du burinage, regarde, c'est ça se fait même plus d'inclure. Ben non, là, tu peux pas burner un CD anyways. Ben même à ça, ah, mais ils vont quand même te foutre des collants partout. Là. Ben ça dépend des clubs vidéo. Moi, je dirais de la majorité dans l'industrie que j'ai vue, là, au fil des années, ça a disparu, là. OK. C'est... Premièrement, même il y a les bangs qu'ils mettaient dans le temps. Le petit truc autour là, de la régie. Ça pouvait être mal balancé, des choses comme ça. Ah, ça pouvait créer des problèmes. Ouais, si tu le collais pas bien, c'est une petite bosse. Puis... Exactement. Fait finalement, là, le burinage là, qui fait chier les collectionneurs, ben c'est legit. Là, je veux dire. Il y a une bonne raison derrière ça. Ça fait partie de la game, dans le sens que c'est là que les termes, d'après moi, sont arrivés de « loose inbox » puis de « complete inbox », je veux dire, tu sais, puis loose, puis il y a trois catégories un peu, là, ben, puis mint, factory sealed, complete inbox, puis loose, tu sais, fait que c'est soit t'as le jeu, soit t'as tout au complet avec le livret, puis les petits papiers qui te disent inscris-toi à Nintendo Power, genre, dans boîte. Ça commence à être... C'est un peu de la masturbation. Parce que ça, moi, complete inbox, ça va être le livre, le jeu, puis la boîte. C'est que, mais tu sais, il y a du monde, c'est vraiment les registration cards, si les tout, pubs, puis les petits posters, puis les... Ben, si t'es ça, tant mieux. Si t'es ça pas, vais pas fou, mais j'avoue, le livret, c'est la base pour jeux, le complete inbox. Souvent, ça venait avec un petit poster publicitaire ou quelque chose. Tu sais, les retrouver, ces affaires-là, c'est quelque chose en esti. Le défriper, surtout, là, tu sais, c'est quand ça fait 30 ans qu'il est plié dans la boîte, le petit poster. Ben, je l'ai trouvé un, il y a pas si longtemps que ça, dans une boîte qu'il y avait dans ma cave chez nous. Puis c'était le poster de Nobunaga's Ambition 2. Oh shit! Je sais pas si vous avez connu ça. Absolument. C'est genre de jeu de stratégie de Koei. Ouais, Simulation Series. Ben oui, j'ai passé des étés à jouer là-dessus. Là, en tout cas. Désolé, moi je gérais des aéroports, Carl, je dis ça de même. Comment? Moi je gérais des aéroports. Mais ouais, Aerobiz? Oh nice. J'aimais bien Gemfire aussi. Ça, c'était sweet, man. En tout cas, fait que mon petit Nobunaga's Ambition, je dis ah oui, un beau poster, je le déplie, mais. Tu sais, il est comme tout fendu ses coins ou ce que c'était plié. Ouais, c'est ça. Ça s'est tout comme déchiré en un beau casse-tête finalement. Fait que j'étais comme un peu triste. Là je me dis, ah, je le recolle dessus. C'est là que t'as sorti de la gommette puis t'as fait comme bon, ben, tabarnak. Non, parce que j'ai plus le jeu puis je m'attendais pas à trouver ça. Fait que j'ai fait comme. Je l'ai gardé, là, mais tu sais, je vais sûrement le donner à quelqu'un qui va faire comme ah, tu sais, j'ai ce jeu-là, puis j'ai tu veux la map à Oyamus Tour. Moi, j'avais des questions que j'ai préparées concernant le game chasing. Yes. Comment on fait pour aborder. Mettons, je te fais une mise en contexte, OK? T'es dans un marché aux puces, puis il y a un jeu que tu veux sur la table. Là, c'est sûr que tu as plein de choses que j'imagine tu peux faire qui vont faire que le gars va t'augmenter le prix ou rien. Parce que c'est toujours un peu flou. Ouais. Ça peut être 5$ pour toi, puis le voisin qui arrive après, c'est 10$. Ben, premièrement, si tu es avec du monde que tu connais, qui s'intéresse au même jeu, ben, tu t'arranges pour pas qu'il te voie, qu'il te fasse comme je veux ce jeu-là. Parce que ça peut faire. Si tu as deux personnes qui veulent le même jeu, puis qui vont faire comme on le veut, on le veut. Fait que c'est basé sur des vieux principes, là, tu sais. Si tout le monde l'intérêt, t'es faite, là. Ouais, exactement. Fait que t'essaies de la jouer cool, pas trop, tu sais, comme... essayer de pas être trop emballé, comme justement... une des shots, je pense, c'était... c'était-tu à Saint-Hyacinthe? En tout cas, j'avais trouvé une importation de Saturne, genre. C'était Sailor Moon. Puis j'étais comme, what the fuck? Qu'est-ce qu'une importation de Saturne fait dans un fucking marché aux puces? Perdu ici, c'est comme. Non, ça a puis pas sa place. Pas un gars qui vend juste des jeux dans le marché aux puces. Là, genre, oui. Ouais, okay. Oui, vraiment un stand de jeux. Mais tu sais, c'était comme. Guylaine qui... Ben, c'était Guylaine, justement. Je pense que c'était elle. Fait que. C'était vraiment elle. Fait que là, moi, je tombe là-dessus. Je fais, what the fuck? Fait que tu sais, je m'arrange. Au début, je le prends dans ma pile. Tu sais, j'avais comme une coupe de jeux. Puis quand que j'ai dit, tu me fais combien ces 5 jeux-là, tu sais. À la fête comme, ben, je vais te faire ça 30$. Je fais, tu vois. 30$, ok. Tu sais, j'ai pas fait comme. Oui, tu sais, je me suis pas comme. Ouais. Ah, ok, piché, ouais. Genre. Fait que tu sais, je fais mon gars un peu nonchalant. ça peut aider. Ça l'aide, ouais. Oh, oui, vraiment, parce que si j'aurais fait comme. Ah, tu sais, j'en fous le 5$. Mais là, parce que mis le jeu ton en Sailor Moon entre genre un Super Mario Duck Hunt pis une autre affaire. Ah, oh, sûr, là. Ouais, quasiment. Le pire, c'est qu'elle aurait peut-être vu Mario Duck Hunt pis se dit, Chris, c'est Mario. Mario est populaire. Ouais. Ça non, vaut plus non, cher. C'est le pire, c'est que c'est ce plus genre que de monde-là. Sailor c'est, Moon, c'est là, leur raisonnement c'est qu'ils ont. C'est exactement ça. C'est ça le pire. Fait que ça a bien marché pour ce coup-là. C'est comme aussi, un moment donné, Zef, il avait fait un Christy de bon coup. Il avait ramassé deux jeux de NES à 5$, mais deux jeux quand même qui en valaient 40-50 chaque. Là, je pense que je me souviens. De, cool. Il parlait pas pour son père. C'était ça, la chatte. Il y a un des vidéos. Il dit c'est pour mon père. Là, c'est pour mon père. Puis le gars, il a fait comme 10 piastres moins cher. Il dit non, c'est la fête des pères. Ouais, c'est la fête des pères. Il dit come on, là, c'est la fête des pères. Là, fais-moi un rabais. il arrêtait pas de la sortir. Le gars, là. Il en a fait puis même qu'il me l'a fait pour moi un moment donné. Puis ça a marché. J'ai quand même eu un rabais de fête des pères. Avec les jeux que j'avais achetés en dedans, là, la méchante madame des copyrights. Ouais, je me souviens de cette vidéo. Moi, j'ai entendu les jeux que j'avais achetés quand j'étais en dedans. Comment? Quand j'étais en dedans, non, en prison. C'est toi qui viens de dire ça, que j'étais en dedans. La madame en dedans. Ouais, ça sonne weird. Hein? En dedans, tu as tout le temps l'impression qu'ils payent plus cher parce qu'il y a un kiosque à l'intérieur. Ils sont plus au courant, là, tu sais, c'est... Exact, c'est du monde à l'année, mais même dehors, il y en a beaucoup qui sont à l'année, là, proche du ceux qui sont les deux premières rangées, si on peut dire, proche du Honda. Ceux qui ont comme des fucking grosses boîtes dans des cages à poules, puis que les jeux sont vraiment usés. Est-ce là, que c'est vrai que les choses sont moins chères le plus loin que t'es du gars qui vend les bas? Non, c'est sûr. Tu sais, quand tu vas là-bas, là, de bonne heure, tu commences par les extrémités, tu commences pas par le centre. le pire là-dedans, là, c'est que je sais pas si ça se fait dans les jeux aussi, mais tu sais, moi je me souviens en allant au marché aux puces une couple de fois, le matin, t'avais les gars, ils font leur kiosque, mais ensuite ils font le tour. Mais ils s'achètent des affaires entre eux autres. Ben oui, c'est clair. Je me rappelle à un moment donné, ma mère avait à la chute, elle voit une affaire comme à 10$, elle m'appelle, hey, tu veux-tu le ramasser? On y retourne, ah, il est vendu. On le voit comme 3 kiosques plus loin, 20$. Voilà. D'autres, il était à vendre à 10$ là-bas matin. Ouais, ouais. Ben non, ben, moi 20$ c'est un bon prix. Puis t'es donc bien crosseur, man. Ça fait... Lui, il sait qu'il veut, il peut le vendre plus cher. Lui, c'est du fuck off, 10$. Je vais vendre 5-20, je vais me faire un 10. Ils font tout ça, là, sûrement les vendeurs de jeux vidéo comme les réguliers. J'ai plus de tel jeu, je vais aller me loader de telle affaire, genre. Là, ouais. Mais ils peuvent pas tout voir non plus. Là, fait que, tu sais, il y a moyen de. T'sais, on trouve tout le temps de quoi, mais aussi eux autres. Ils vont sticker sur les titres populaires ou les trucs qui sont faciles à vendre. Des fois, il y a des affaires qui sont peut-être un peu plus inconnues que... T'es comme « Oh shit, je vois pas ça souvent, jeu-là. » Obscure. La meilleure trouvaille que vous avez faite à date pendant un game chasing, ce serait quoi selon toi? La meilleure trouvaille, je dirais le coup de Zef, qui avait pogné Bucky au Air, au NES, puis je pense Super Spy Hunter. C'était du même gars, là, les deux jeux à 5$, puis je pense que les deux, ça revenait à peu près à 80, 90, là, si je checkais. Oh. Puis lui, il a payé ça combien? 10$ pour les deux jeux, tu sais. Fait que c'était comme, waouh, tu sais, mais tu sais, c'est ça, t'essaies d'en pogner une 3-4, là, tu dis, tu m'es fait-tu, ou tu sais, en partant, tu dis, t'es fait combien tes jeux, tu sais, si tu fais comme... Tu le fais combien sur ce jeu-là? On dirait que c'est... C'est comme si lui, en particulier... C'est comme si tu mettais de l'intérêt plus sur là. Fait que tu sais, moi, je vais tout le temps essayer de dire « T'es fait combien tes jeux? » Comme si c'était tout dans le même bain. Ouais. Tu sais, comme ça, il y a peut-être moyen de... Ils sont tous 5$. OK, Ouais, c'est ça, là. T'sais, dans le fond... mais toi, t'achètes-tu aussi? Je me demandais, c'est-tu juste pour de la collection personnelle? Ou des fois, t'achètes des deals en te disant « Ça, moi, je peux le trader ou le revendre facilement. Je le veux pas, je n'ai pas besoin. » Je te dirais qu'il y a beaucoup de monde qui le font, mais moi, je le fais pas. Toi, c'est... tout du personnel. C'est toutes des affaires qui restent chez nous. Là. Okay. C'est assez rare que je me débarrasse de du stock. Tu sais, je l'ai souvent fait. On l'a tout fait, je pense, quand on était jeune. On passait d'une génération à l'autre, on vendait tout le vieux stock. Moi aussi, je l'ai fait jusqu'à peut-être PlayStation 1. Après ça, j'ai arrêté de vendre ma shit. Tu sais. Mais avant ça, c'était comme... je vendais tout au fur et à mesure que je switchais. Parce qu'il y en a qui ont, tu sais, comme notre ami Papa Cassette, Dominique, il en fait une business, tu sais. Il achète pour lui la collection personnelle, mais des fois aussi, il pogne des lots parce qu'il sait qu'il peut faire un marché comme ça. C'est clair. Ben, c'est sûr, lui, il a décidé de faire sa business, puis ça marche super bien comme ça. Mais non, moi, je l'ai jamais vraiment fait, là, à part pour des fois des amis, parce que je sais que. Qui cherche tel jeu, fait que je dis, je vais y ramasser, mais tu sais, moi je vais y revendre au même prix. Mais t'échanges pas ton stock non plus à toi, c'est il est dans ma collection, c'est à moi. Ouais, à part si j'y joue puis je fais comme arc, c'est vraiment de la merde, okay, je le veux pas. Je suis pas non plus du genre à vouloir un complete set comme il y a certaines personnes qui veulent, mettons, tous les jeux, moi je m'en sacre de ça. Moi je veux les jeux que j'ai le goût de jouer puis les jeux que j'aime, mais tu sais, je commencerai pas à ramasser des tonnes de fillers qui prennent de la place parce qu'à un moment donné. J'ai vu ça, ben du monde. Prendre de la place. Que genre, fais une collection de NES, puis j'ai vu toutes. Il y avait plein de monde, là. Puis c'est là que j'ai fait comme moi, comme... C'est ça, j'ai vécu, là, il y a comme une grosse compétition, on dirait. C'est la course au complete set, là. En passant, c'est incroyable. C'est j'ai vécu. C'est quoi, c'est j'ai vécu? Parce qu'on en parle ça, c'est le club des collectionneurs des jeux vidéo du Québec. C'est un club de collectionneurs de jeux qui existe vidéo depuis... Vidéo du Québec. C'est ça, qui existe depuis quand même... une quinzaine d'années, je dirais, si c'est pas plus, sûrement entre 15-20 ans. Ils sont quand même actifs sur Facebook avec un bon forum aussi. Ouais, un bon forum. Les forums sont en train de... Le forum, il est mort depuis dead, Facebook, là. Dans le fond. C'est ça. Mais le Facebook est très actif quand même. T'as des vrais connaisseurs. Ouais, tout le monde qui était sur le forum, ils ont un peu comme fait la transition au Facebook, là, parce que c'est peut-être plus facile d'accès, puis... Everyday, là. En tout cas, je sais pas, c'est plus... Les forums, c'est un peu comme, on dirait... passé, on dirait, je sais plus. Ben, c'est avec le Facebook, c'est des forums, c'est des groupes, là. C'est dans tes affaires, t'es toutes au même site sûr. Que ta mère qui te met une photo de gâteau, là. Et voilà, là. Fait que c'est facile d'accès, puis tout, fait que... Non, ça c'est un club qui font des réunions de tout le monde se rencontre, puis ils ont des tables, puis ils vendent leurs trucs, ils échangent avec d'autres collectionneurs. Fait que c'est un genre de méta-marché aux puces. C'est un mini marché aux puces, mais comme accès juste aux jeux vidéo. Là. Eux autres, tu dois pas pouvoir les négocier trop, j'imagine. Ben, t'as des bons prix que, en plus. Non, c'est les meilleurs prix. C'est souvent là. C'est souvent les meilleurs prix, c'est avec du monde de même, mais surtout quand t'es connais, puis tu sais, t'apprends. Surtout quand t'as de quoi échanger, je pense. Je pense que le monde-là sont vraiment plus portés à échanger, tandis qu'un gars de marché aux puces, il veut juste de l'argent. Non, c'est ça. Puis là, c'est sûr que moi, ça fait comme plus que 10 ans que je fréquente ce club-là. Fait qu'à un moment donné, tu viens que tu connais tout le monde. Puis tu sais quelle personne, il tripe sur quoi. Fait que tu sais, moi, je vois ça plus comme de l'entraide, là. À un moment donné, là, on s'entraide tout, puis on se fait des deals. Je sais qu'en retour, lui, il va me faire un deal. Sur, en tout cas, donnant, là. Moi, je le vois de même, là. mais c'est ça, c'est pas tout le monde qui le voit de même. J'ai une question pour le game chasing. Parce qu'on entend souvent les gens parler de cassettes et des choses comme ça. Tu penses-tu... Puis en ce moment, les cassettes, c'est très populaire. Mais le marché du CD, exemple PS2, exemple Xbox, même 360, PS3, des choses comme ça. Combien de temps à peu près que ça devient peut-être pas rentable, mais comme tu sais, des raretés qui sont intéressantes là-dedans aussi? Je te dirais que... Ben là, c'est sûr que dans. Mettons, si tu vois les premières générations de jeux de CD comme PlayStation 1, Saturn, ça fait longtemps que a commencé, je te dirais. Pour ce qui est des consoles 32 bits, mettons, un peu près 32 bits aussi, là, il y a beaucoup de consoles que. Mettons, le TurboGrafx 16, ces jeux-là, ils valent une fucking fortune. Là, ou PC Engine, toutes ces affaires-là. C'est du rétro CD, là. Fait que. Ça prend autant de valeur que je te dirais que les cassettes, c'est juste que c'est peut-être moins fiable, moins durable. C'était moins mass market, par exemple, aussi dans le temps. Fait qu'il y en a moins. Puis vu, comme tu dis, c'est moins durable, un CD, puis tout, la valeur monte plus vite. Mais pour les PS3 puis Xbox 360, d'après moi, il y a tellement eu de mass market qu'il y a des jeux qui vont rien valoir Blitz. Tellement qu'il y a... Non, mais il y a des jeux qui sont des fails. Mais il y en a qui sont des fails, qui vont devenir des fails de collection après, parce qu'il y en a tellement pas eu qu'ils en ont détruit 200 000. Mais ça prend au moins 5-10 ans, je te dirais, avant de commencer à valoir de quoi. À valoir mais de quoi. J'ai remarqué une tendance chez certains collectionneurs, justement étant dans le groupe de CCGVQ, tout en voyant ça, qu'il y a bien du monde qui parle... Des fois, quasiment de rétro en disant comme j'ai ramassé tel jeu de PS3, j'ai checké mes trouvailles, puis il met comme 8 photos de jeux de PS3. Puis moi, je suis un gars qui est comme, je veux pas dire anti-next-gen, mais anti-rétro, mais je suis comme très à jour dans mes jeux la plupart du temps, puis comme je regarde pas en arrière trop. Fait que quand je vois quelqu'un qui, lui, pour lui, peut-être que du rétro, c'est genre, j'ai eu un deal, j'ai acheté 7 jeux de PS3 pour 30$, puis comme, oui, c'est un bon deal, c'est cool. Sauf que tu vois ça comme une collection rétro déjà. Ben, je trouve que c'est comme prendre de l'avance en se disant, c'est comme si ce gars-là, il se dit, moi, je vais hoarder ces jeux-là tout de suite. Comme ça, dans 10 ans, je vais avoir ma collection complète, inbox, justement, puis tout. C'est pas fou dans un c'est sens, pas fou. Parce que quand, mettons, tu switches à une autre génération, ben là, c'est sûr que la génération d'avant, ils veulent liquider tout ça. Là, ils veulent faire de la place ces étagères. C'est là que ça devient la mort de quelque chose, si on peut dire. Comme les cartes de hockey, en tout cas, la comparaison est un peu poche. Là. Mais moi, quand j'étais jeune, Mon père, il était comme, les cartes d'hockey, c'est malade. Tu vas voir, mon gars, moi, ceux de mon temps, ils valent super cher à cette heure. Mais la raison, c'est parce que tout le monde les collissait, c'est mûr. Je suis sûr que tous vos parents vous ont expliqué le jeu de quand ils étaient jeunes. Tu pitchais la carte de hockey sur le mur, il fallait qu'elle colle ou quelque chose de même. Fait que ça jamais la magasinait. Mon père n'a jamais fait ça. Moi, mon père, en tout cas, il m'expliquait, il dit, c'était ça le jeu quand on était jeune. Les cartes servaient à ça, on achetait ça pour la gomme, puis on pitchait les cartes, on s'en collissait, genre. Puis c'était comme un jeu, là, tu sais, en tout cas. Puis c'est pour ça qu'ils sont tous maganés. Puis quand t'en trouves des belles, à Star, des vieilles de Bobby R ou je sais pas quoi, je connais pas d'autres joueurs de hockey, mais ils valent cher. Maurice fait Richard. Que là, en 91, nos parents nous ont tous poussé, toute la gang, à tout acheter des Pro 7, puis toutes les mettre complets dans des beaux... Des Upper Deck, des Pro 7, peu importe. Ils te mettaient toutes dans un cartable, tout protégé, puis tout le monde avait... Tout le monde a encore chez eux probablement un beau cartable protégé, mint condition, de OPG, de Upper Deck, de Pro 7 91 à 91. Mike Bonanno, c'est parce qu'ils en ont trop fait de collection. Ils en ont tellement fait, puis tout le monde savait tout de suite, ils se faisaient dire « protège-les, puis garde-les propres, ça va valoir cher », que ça vaut plus rien, parce qu'il y en a tellement d'exemplaires encore beaux et propres. Fait que j'ai comme l'impression que les jeux de PS3, en disant « oui, ça va être cool, mais en même temps... » Il va y avoir tellement de monde qui va l'avoir gardé en ils vont dire ça, c'était les mauvaises années. Genre, ça c'est ça, ça va être la merde. Exactement, ça va être les mauvaises années du rétro gaming. Le digital devrait avoir une incidence là-dessus aussi, parce que là, l'effet de rareté... Il devient plus rare. Parce que ça devient les derniers jeux en physique. Il n'aura plus, un là, peu c'est aussi, ça. Là. C'est parce que PS3, là, regarde, il y a un paquet de jeux, là, après ça, tu vas vouloir jouer. La version digitale existe. Ouais. Fait que cet aspect de rareté que le gars qui fait comme hey, moi j'attends vraiment, c'est parce que je veux jouer avec, puis je veux jouer part. À Chrome Hounds, tabarnak. Mais tu sais, quand tu le veux physique, là, c'est ça l'affaire. Moi j'étais un gars qui veut ces trucs physiques. Mais t'en as justement, toi tu le veux physique, mais quelqu'un qui veut juste jouer, il va le downloader. Ouais. Mais malgré que je dis ça, mais je download quand même des jeux, mettons, sur Xbox Live et des affaires de même qui n'existent pas en physique, là, parce que tu sais, je me dis, ah, mais je me sens c'est vraiment mal. Cool, mais ils n'existent pas mais en physique. Mais c'est ça, je peux pas l'acheter. Ouais, exact. Ouais. Fait que ça, je fais comme, bon, j'ai pas le choix, tu sais. Mais si j'ai le choix d'avoir le physique, c'est sûr que je vais payer, mettons, le petit plus, mais souvent, c'est le même fucking prix, anyway. Là, fait que, moi, ça m'arrive des fois, ça, que je pense qu'un jeu, il est juste digital. Je regarde sur l'Xbox, je fais comme « Oh shit, Plants vs. Zombies » ou « C'est quoi le jeu de motocross, non? » Trials. Ben Trials. Oui. Mais je ça, fais c'est comme « Oh, jeu, Trials, c'est un petit jeu. » Peut-être que j'arrive au microplay dans la semaine, puis je check le mur, je fais comme « Chris, il y a un CD de Trials, direct là. » Mais ben, moi aussi, j'ai été étonné de voir ça. Il est plus cher, mais parce que je pense j'ai qu'il comme est 20$ au lieu de 15. Là, non, mais il est 20 sur l'Xbox, okay. Mais tu peux downloader comme une Season Pass de DLC à 20$. Okay. Mais quand tu achètes le CD, il est 40, mais t'as tout. Wow, ouais, mais t'as le DLC à 20 puis le jeu à 20. Fait que c'est, t'as la même ça affaire, c'est juste que t'as pas le choix d'acheter mais le complete. Ce qui s'en vient, par exemple, qui va être popé, c'est quand j'étais au E3 l'année passée, il y avait des compagnies comme la compagnie qui font Terraria puis les affaires. Ouais, de même, ouais. Ils vont vendre la boîte. Fait que t'as une boîte de jeu, puis quand tu l'ouvres en dedans, c'est une carte avec le code de DLC. Ça, c'est cool. Fait que tu sais, dans le fond, ça aide le retailer à vendre le produit quand même. Mais il va être le même client, prix. Il a une boîte dans sa bibliothèque pour sa collection. Mais il y a le même prix en ligne que dans le magasin. Sauf que le magasin a un petit goodies de plus. Ils prennent tout. T'as la boîte, puis souvent ils vont te mettre un DLC d'inclus ou quelque chose de même. Ça, c'est cool. Mais tu peux-tu avoir le disque aussi? Il y a le disque dans la boîte, c'est ça? Ah, non, le disque. En fait, c'est juste il enlève le disque. Code. C'est juste le code de download dans une boîte. C'est juste que Sony ont déjà fait ça. Là. Ouais. Sony l'ont fait une couple de fois au PSP. Oui. Ça l'avait chié. Oh, c'était quoi? C'était avec Roco Loco 2. Ouais, les petits bonhommes avec des... Non, ça, c'était comme des bulles rondes. Patapon, mais Patapon. C'est ça, Patapon. J'ai acheté Patapon 2, moi, puis je suis arrivé pour mon PSP. J'arrive chez nous, il y a un code. J'ai mis le code. C'était long, j'ai jamais joué. Moi, en ce moment, qu'est-ce que j'aime le plus... Ça a l'air de rien, hein. Mais c'est avec Steam. Je m'achète, par exemple, mon disque de Civilization, le Earth and Beyond, par exemple. Puis j'ai le disque que je peux tout installer, puis j'ai un jeu standalone qui fonctionne. Mais aussi, sur Steam, je peux juste rentrer le CD key, puis j'y accède. Il te le donne. Il rajoute à ta bibliothèque. Hey, là, j'ai le goût de jouer à Patapon. Hein. Ça rend débile, ce jeu. C'est bon, c'était bon, mais ça me rendait tellement dans... Un moment donné, le style Patapatapon, ça me rendait fou. J'étais plus capable de le... Tu sais, je trouvais que c'était rendu pénible de le faire juste pour avancer. Plus tu trouves ça pénible, ton bonhomme, il avance pas parce qu'il faut que tu sois... Il faut que tu sois tête pour qu'il avance. Fait que là, j'étais comme, ah non, ça marche plus. Tu trouves-tu des jeux louches des fois? Parce que j'aimerais faire une parenthèse un peu. Parce que moi, je veux dire, je t'ai rencontré dans les soirées Papa Cassette, je te trouve super cool, puis les Power Chasers, je suis ça depuis que ça existe. Je pense que ça n'existait même pas, les Power Chasers, quand je t'ai connu, je pense. Non, mais moi, c'est parce que j'avais tombé dessus des Terminarcades, okay. Par hasard. Ouais. Ça, je te l'avais dit, ça, puis j'avais vraiment tombé sur des vidéos de Terminarcades random, ouais. Comme des critiques sur... t'avais ta critique avec ton genre de... vieux vidéo, dans le fond. Ton vidéo de... Mais c'est parce que ça, c'est une chose aussi. Là, si vous allez checker les Power Chasers, check juste le Terminarcade, puis regarde l'historique des vidéos. Moi, j'aime ça. Ça, c'est un vrai test d'un channel YouTube. C'est que tu vas dans le channel YouTube, t'es comme, ah, il y a un beau vidéo avec 4000 views, c'est good. Mais après ça, clique sur vidéo, puis va oldest to newest, puis regarde les premiers vidéos de ce channel-là. Ils sont vieux, man. Mais toi, c'est parce que ça va loin, là. Oui, ben je pense en 2006, j'ai ouvert c'est mon ça, compte. C'est ça, t'as c'est vraiment bon des débuts stock, de là. YouTube, ouais. Là. Mais tu sais, au début, ça, c'était fucking ghetto, mon affaire. Mais c'était là. Ghetto, mais YouTube genre, était ghetto. Dans t'as des critiques sur genre comme la critique sur Pepsi Man, que ça, oui. J'avais tombé dessus, juste fucking random. Nice. C'est juste comme, what the fuck, je voyais... OK, fait que sur le PS1, il y avait un esti de Treasure Hunter, ou c'est quoi le jeu c'est maintenant qui est bien populaire là, que ben tu les running les non, game running les, games les genres de runners les runners que tu fais avec run. Ton pouce là, des affaires c'est comme ça. C'est ça, mais c'est carrément le ce qui a parti ça, parce que dans le fond j'en connais pas d'autres. C'était un des avant mais ça, c'est ça là. Puis ça je trouvais ça cool, mais j'ai tombé là-dessus. T'as une critique aussi sur le jeu de squash Sonic, il avait fait oui, ça au Sega, oui. Hein, Cosmic Smash, oui. Ouais, c'est ça. Mais ça c'est pas mal d'un dernier que j'ai fait, je te dirais ça là, c'est pas mal d'un dernier moi que j'ai fait là dans des reviews. Mais t'as un trip sur les jeux ouais. Louches, les jeux weird. Oui, oui, parce que moi j'ai tout le temps été un gros fanatique tout ce qui est Japon. C'est quoi qui a parti le jeu comme c'est quoi ton premier jeu weird que t'as joué? Là, t'as dit, man, moi, Megaman, c'est pas juste ça qui me fait triper. Moi, je veux le Megaman weird qui est sorti au Japon où il y a un pénis qui se promène à l'entour. Ouais, ben, je te dirais, moi, dans le fond, c'est quand que j'ai eu ma PlayStation 1, c'est vraiment là que mon gros amour pour les importations, ça a commencé, là, puis les jeux japonais, puis tout, parce que là, dans ce temps-là, tout le monde avait une fucking mod chip, hein, on s'entend. Là. Non, tout le monde avait un PlayStation ah non, chippé. Le slide là. Tray, là, où, en tout cas, moi, avait tout la le monde que Switch je connaissais qui avait un ouais. PS1 avait tu le... Tu regardais des VCD? Oui! Mais non, c'est ça, tout le monde avait une mod chip, fait que là, ça m'a comme ouvert les portes à l'importation. Dans ce temps-là, en plus, personne n'avait de... Tu sais, c'était rare. Il y a quelqu'un qui avait un graveur de CD. Il fallait tout le temps que, tu sais, je connais un gars qui connaît un gars, que lui, ah, oh, il y a un graveur il de CD. Il charge juste 10$. Puis il charge 10$ du jeu. Fait que là, on était comme, ah, oh, ouais, oh, shit. Fait que là, tu sais, moi, j'avais même pas l'Internet dans ce temps-là. Fait que quand j'allais chez des amis ou que j'étais à quelque part, j'allais fouiller sur des sites, mettons, de cover, tu sais, des... CDcover.cc. Drette ça! J'allais sur CDcover.cc, puis j'allais, mettons, dans PlayStation. Là, je checkais chaque jeu, dans chaque lettre par lettre, les listes de chaque jeu, les pochettes. Je checkais ça une par une. J'étais comme, OK. Là, je prenais les noms, mettons, en notes. J'allais faire des demandes spéciales à... sorte de monde, hein, t'es-tu capable de me trouver tel jeu, là, le monde t'es comme, Chris, man, c'est quoi, où tu vas chercher ça, tes hosties de jeux, man, je suis pas capable de trouver ça. Des jeux japonais, ça, weird. Ou, ouais, ben c'est ça, fait que là, un moment donné, ben là, on est jamais mieux servi que par soi-même, fait que là, je me suis équipé d'un ordi, puis là, ben là, c'est ça, là, un moment donné, tout le monde avait des graveurs CD, fait que là, je me suis mis à découvrir un paquet d'importations, puis là, aujourd'hui, ben... C'est tous des jeux que j'achète physique, des vrais legit copies, parce que c'est comme en vrai, dans ce temps-là, de toute façon, c'était complètement inaccessible pour nous autres. Dans ce temps-là, tu pouvais comme même pas quasiment penser d'importer un jeu. Ça devait se faire, là, mais tu sais, c'était plus compliqué qu'aujourd'hui, disons. Là. Ouais, c'est ça, c'était pas autant répandu, là, puis c'était comme les débuts de l'Internet, ouais, là, ouais. Tu sais, c'était pas tout le monde qui avait ça, tu sais, c'était comme tout le temps... Fait que ça a commencé vraiment de même mon trip pour les jeux louches avec les importations. Puis j'étais comme, Chris, man, il y a tout le temps des fucking jeux vraiment hot qui mériteraient d'être connus, mais qui sont comme, what, sont trop random ou juste peut-être pas. Pas ça, nord-américain. C'est ça, non ça plus, passerait ouais. Pas ici parce que ça a pas de lien où le monde ne catcherait pas. Parce qu'il y a un homme qui est en train de jouer avec un jeune garçon tout nu. Ben là, peut-être pas. Là. Ok, pas non. Spoil. Non, c'est pas des jeux louches de même. Il y a beaucoup de temps. Parce que quand même, les Japonais, ils ont une tendance de pousser les frontières ouais. À un niveau où ce qu'on comprend pas. Ouais. Tout en pixelisant les parties génitales. Même pas des fois, là. Même pas. Eric, il y a des plugs, là. Non, j'ai pas des plugs. Non, mais en passant, c'est parce que j'ai regardé un petit peu les jeux que Karn nous a apportés, parce que tu vas nous parler d'une coupe de jeux weird. Une coupe de jeux étrange. Mais juste, en arrière, j'avais juste vu de quoi qui m'a traumatisé, puis c'est pour ça que ça m'est revenu à ça, là. Mais non, de toute façon, c'est... Mais en fait, j'ai tout le temps été de même. J'ai tout le temps été à la recherche des trucs un peu weird, que ce soit juste des films, dans le comme musique, un Milton de jeux vidéo. Pareil, des jeux vidéo. J'ai tout le temps été comme été le. Faut le temps j'ai poussé un petit peu plus loin ou essayer de creuser le fond du baril pour essayer de trouver quelque chose d'un peu louche ou d'un essayer de se traumatiser un peu plus chaque jour. Oui, essayer de pousser les frontières du weird. Ouais. Ou mais là, disons que ton baril est là puis il est ouvert. Ouais. Puis tu l'ouvres en avant de moi, André et Milter. Puis là, on est curieux de savoir, t'as-tu des exemples de ces perles-là que tu trouves? Man, il y en a tellement, là. Mais moi, je suis un gros fan à la base de les shoot'em up, là, les jeux de tir à verticale ou à l'horizontale. Puis il y en a des vraiment bizarres là, là-dessus. Puis des fois, c'est comme des thèmes. T'en as-tu apporté? What the fuck? Y en a-tu là-dedans, ouais? Certainement, ben je pourrais commencer. On va commencer par un jeu que j'ai joué avec Milter il n'y a pas si longtemps que ça. À une affaire qui se nommerait peut-être WEG, mais on ne sait pas. C'est ça. C'est des on légendes. On a le droit d'en parler, non? C'est des légendes. On va dire que... Puis il y a même des photos pour prouver ça, qu'il a joué à ça avec moi. J'ai joué à ça, oui. Tu as joué à ça avec moi, mais je pense que tu t'en souviens pas. Non. C'est genre un petit peu avant que tu tombes malade. Un petit peu, là. Il est malade, mais il est tombé endormi, disons. Ouais, okay, très solide. Il était rendu au screwdriver. Je ne sais même pas c'est quoi, Eric m'a tendu un verre. Et à partir de ce moment, je pense qu'il y avait du GHB dedans. Oh, hein? Shit. Eric est réputé pour ses roofies d'imparté. C'est-tu là où ce qu'on dit qu'on partageait un lit? En plus. Fait que, disons qu'à partir de ce moment-là, je me souviens pas de tous les jeux que j'ai joués. Mais c'était une belle fin de semaine. OK, mais le jeu. Fait que le jeu en question, ben je le montre-tu à la caméra? Montre-moi-les. C'est Shōaniki, qui est une série qui est quand même relativement connue. Shōaniki? Ça s'appelle Shōaniki. Ouais, c'est la version dessus. OPS2. Tiens, si tu veux voir l'arrière, c'est encore plus beau. Tu vois des petites images, puis... Décris-nous l'image que tu vois, Milter. Oui, Milter, décris-nous le derrière de cette boîte. Ben, OK, si je décris le derrière, il y a beaucoup d'hommes musclés en chest avec... Je pense qu'il n'y a pas autant de vrais muscles que ça, c'est le corps humain. Il y en a un qui ressemble à Serge Laprade. toi, t'es estime, what the fuck? Ben, c'est vrai, pareil, c'est vrai. Puis, il manque des bouts de top de leur tête pour une raison parce qu'ils tirent par leur tête. Parce que c'est ça, je doutais qu'ils... Le trou qu'ils ont sur la tête, ils tirent par là. Je veux pas rentrer dans les détails, mais ils ont de l'air à tirer de pas mal tous les trous possibles de leur corps. Parce que les positions qu'ils ont, ils laissent à désirer. Puis, pour un chat, en tout cas, ils tirent de partout. Ouais. Ça, c'est ce que je peux dire. Fait que ça, je te dirais que c'est dans les jeux louches, les... qui sont comme réputés pour être connus. Ils sont assez heureux. Juste un peu comme entendu parler. Il était au PS1 aux autres, si je me trompe pas. Ben en fait, il est étonnamment, aussi louche que ça peut paraître, il y a genre 6 ou 7 jeux dans cette série-là. Ouais. C'est vraiment une série de jeux. C'est gros au Japon, là, genre. Là, je sais pas si c'est gros, mais en tout cas. C'est pas gros au Japon. Depuis quand c'est gros au Japon? C'est comme le Mario Bros du Japon. C'est ça. Là-bas, tout le monde a ça. Tout le monde a ça. Non, mais il y en a eu deux au PC Engine, il y en a eu un au Super Famicom, au PS1, puis au Saturn, puis au PS2, puis au PSP. André est brave. Fait que c'est vraiment... livret en ce moment. André, il y a un livret. Ouais. André, en passant, il y a un livret. Ça, c'est quand même chapeau à ce jeu-là pour c'est avoir un complete livret. Complete in box. Ouais. Je tiens juste à dire qu'il danse, là. Je sais pas pourquoi. Parce que c'est un schmop. Je lis pas les kanji. Fait que t'es comme une petite cellule, mais... genre. Puis t'as comme deux gros bodyguards qui sont les deux gros gars musclés qui sont comme autour de toi. Puis eux autres, dans le fond, faut qu'ils protègent la petite cellule. Puis tu te promènes dans toutes sortes d'environnements aussi. En tout cas, plus bizarres les uns que les autres. C'est un schmop, hein? Oui, c'est un schmop. Il y a un des boss. C'est Spider-Man, mais la version homo-érotique de Spider-Man. Fait que là, c'est vraiment comme. Un homme araignée avec 6 bras. Puis, okay, en tout cas, il y a vraiment, tu sais, mais il est vraiment trop. La version trop Spider-Man weird. Qu'on on aime le voit tous, ici, là. Je pense. Un homme araignée. Oh, oui. Exact. Mais il y a vraiment les couleurs de Spider-Man, là, tu sais. Mais ouais, il est creepy. Là. Il y a la grosse boule. Comme exact, cul, comme genre. Un gros cul. Comme il y a une cravette aussi, hein, je pense. Ça se peut. Soit j'espère que c'est une cravette. Parce que là, je viens de prier pour que ce soit une cravette. Et où la cravette? J'avoue qu'il y a un look de cravette. Oh, j'avoue. Shit. Ouais. Fait que non, c'est ça, c'est vraiment une étrangeté là. Puis justement, cette semaine, je me suis amusé à ripper de la musique de certains jeux, dont celui-là. Ça a été vraiment spécial. Puis là, j'ai rippé une des tunes que t'es comme dans un espèce de maid café, que c'est tout des maids, mais déguisés en chat, en minou, tu sais. Puis la tune là, c'est complètement... c'est du gros n'importe quoi, là, c'est... En tout cas, j'ai mis ça cette semaine sur ma page des Power Chasers. Là, c'est pour ceux qui pensaient que Katamari Damacy c'est fucké, oui. Vous venez de tomber dans un autre bracket. C'est de rien comparé. Non, non, c'est à ça, c'est rien. Puis ah oui, j'ai oublié de mentionner, mais l'espèce de... Parce que tu tires un espèce de laser, puis pour le déclencher, il faut que tu tournes l'analogue de droite, mais il faut vraiment que tu le spins, là, puis pendant un bout de temps, puis là, tes deux bonhommes sont comme... ils se craignent, puis ils se shake le bassin, tu sais, tout en faisant ça. Puis quand ils sont rendus full, parce que t'as comme une genre de gauge qui se remplit, tu te pèses ton analogue, puis ils se mettent à pitcher un esti de laser, puis ils crient « Men's Beam ». Mais tu sais, c'est comme un... On dirait qu'il dit « Men's Sperm ». En tout cas, de la façon qu'il dit, je suis sûr que c'est comme un... C'est voulu. Un double sens, là. Puis ton ça doit être laser, en lien avec l'image en arrière de la pochette. Ben, c'est ça. Au début, il tire vraiment droite ton laser, puis tu sais, plus ça va, plus ta gauche, elle se vide, plus ton jet, il descend tranquillement, comme si c'était une envie de pisser ou qui diminue tranquillement. Ben, ouais. Moi, je verrais plus jamais c'est comme la les gouttes de... En tout cas, tu vois que c'est du liquide, c'est une genre de grosse crème blanche que tu pitches. Puis justement, il y a un des boss, c'est comme le boss de la Cat Girl, c'est comme, en tout cas, une grosse Cat Girl géante, une fille déguisée en chat. Puis quand elle est fâchée, on dirait que c'est un homme en même temps. T'sais, c'est comme weird. Fait que ça, c'est... Puis là, elle se met d'abord, puis elle tire des balles par le cul, tu sais, genre, elle chie des éventails de balles. Puis toi, t'es là avec ton man spear, ton espèce de jet qui pisse sur le cul du bonhomme. Hein, si tu regardes ça, t'es comme, ben voyons. Ça, ce n'est que le premier... C'est ça, c'est le premier jeu que t'as amené, ça, là. Ouais, c'est ouais. Très hétéro. Est-ce qu'il y a comme une escalade? T'es-tu en train comme de subtilement mettre la table pour qu'on se rende à un autre niveau? On va espérer. J'espère que j'ai pas commencé avec le plus rough. Mais c'est parce que c'est quand même assez bien connu, là, cette série-là. Fait que c'est pour ça que j'ai commencé par lui. Là, je me suis dit, c'est évident qu'on va parler de ça. Sur SpaceDix, sur Reddit, là, Chouaniki, c'est chaque titre qui va sortir, je pense qu'on devrait chacun prendre un tour d'écrire le derrière de la cassette. Écoute, moi, je suis winning. Ce tour-là, ça va être à toi. OK, c'est good. C'est bon. On a commencé par Milter. Fait que on va rester dans le PlayStation, on va y aller avec... Mais on est au PlayStation 1, là, en fait, là. Ouais, là, c'était PlayStation 1. L'autre, c'était la version est... PS2 de Chouaniki, parce qu'il y a une version PS1 aussi. OK, fait que là, au PS1, c'est Paranoia Scape, qui est un jeu de pinball complètement weird. C'est du pinball? Ça, si vous allez dans mes vieux reviews, j'avais fait un review de ça dans mes premiers reviews, ça devait être mauvais. Ça fait vraiment longtemps que je peux retourner voir ça. Mais, ça, puis il y a un nom en haut, Screaming Mad George. Là, c'est quoi ce nom-là? Ce dude-là, c'est un gars qui a travaillé dans le cinéma pendant des nombreuses années. Puis c'est un master des effets spéciaux pratiques. Il a fait des tonnes d'effets spéciaux pour plein de films, là, que ce soit... Freddy, Prédateur. C'est comme quand Wes Craven avait fait un jeu de 360 puis qu'il avait pris vraiment le temps de mentionner. J'imagine. Oui, c'est vrai. C'était quoi déjà? Non, c'était Clive Barker, pas Wes Craven. Jericho. Hein. C'est un peu le même principe. Là. Lui, j'avais ce gars-là, déçu. J'ai fait des recherches sur ce gars-là puis, man, il a travaillé sur du stock. Là, ça n'a pas de crise d'allure. Là, il dit qu'il a travaillé peut-être sur le house japonais, là. Le House. Ouais, non, ok, oublie ça. Je sais pas, mais je sais qu'il a fait. Des films d'horreur japonais qui s'appellent House. Non, mais il a travaillé surtout sur des films américains, je te dirais. Et c'est lui qui a fait les effets spéciaux dans The Giver. Je sais pas si ça dit de quoi. MacGyver. C'est une adaptation. Ah, j'ai compris, MacGyver. Non, c'est une adaptation d'un anime japonais, mais en vrai. Je pensais que t'en allais plugger Mutronix, genre, ou un affaire d'amour. Mais c'était Mark Hamill qui jouait là-dedans, qui faisait le Giver. Puis les effets spéciaux, les créatures étaient quand même cool. Je sais que ça, c'était un des films que c'est. Il me semble que c'est lui qui a même dirigé. Mais tu dis que c'était un jeu de pinball. Ouais, mais là, je comprends pas qu'est-ce que ce gars-là a décidé de faire. Un moment donné, il a décidé de sortir un jeu vidéo qui est totalement étrange. C'est un jeu de pinball, mais c'est pas tout à fait un jeu de pinball, mais ça ressemble beaucoup à un jeu de pinball. Dans le fond, c'est comme tu te promènes dans un gros corridor, t'es comme deux petits squelettes avec des genres de nonos, un gros nonos de chien. C'est ça, dans le fond, qui remplace les mettons, les flappers là, de pinball. Puis tu bâches ta balle, mais faut que tu t'avances en même temps c'est dans le stage. C'est un tableau de dungeon crawler pinball. Mais c'est vraiment comme juste un long corridor, puis t'avances là-dedans, puis t'as des obstacles, puis tout. Noter que en arrière ici, l'affaire la plus marquante... Oui. Décris-nous le derrière. Ben, le derrière? Ouais, je vais te décrire le derrière, justement. Parce qu'il y a bien des affaires étranges. T'as des visages, t'sais, des visages vraiment du CG trop comme cheap, des années 90. Si vous comprenez... Comme Splatterhouse 1? Ben, non. Je dirais plus comme du vraiment mauvais Lawnmower Man style. Oh, OK, ouais. Hey, c'est pas fait, ça. Puis l'affaire qui est weird, c'est qu'on dirait qu'il y a superposé des photos... Puis t'as des monstres, je pense. Puis ça a l'air d'une femme. T'sais, imagine une femme avec des longues jambes penchées par en avant. Puis tu vois juste son cul puis ses longues jambes. Mais, twist, le cul, c'est pas un cul. C'est le visage de la femme. C'est la seule. Mais ce gars-là, là, si tu checkes dans tous ses films, il y a comme un genre de un trip pour mélanger comme les morceaux du corps qui ne fitent pas ensemble puis faire... des espèces de mais celle-là est étrangement c'est lui qui a fit. Fait les effets dans Reanimator tu sais genre okay, ouais. Tu sais genre l'espèce de brosse que ça fait parce qu'elle a dit dans Rihanna puis nommer non, un de ses clips non, en passant mais il a fait bien des vidéoclips en plus ce gars-là genre pour, Nine Inch Nails des affaires dans même là je suis même pas surpris mais c'est fucking hot là je checkais tout ce qu'il a fait puis j'étais comme sur le cul c'est-tu le développeur ou on parlait de ça développeur puis publisher là mais je pense c'est les deux mais les autres ils sont même pas cassés la tête c'est juste Mathilda ouais mais moi je suis pas mal sûr que ça devait être le gars Screaming Mad George qui a décidé de se faire une compagnie puis de sortir son jeu là-dessus parce que au Japon j'ai fait le backlog puis ils ont ça juste coûte sorti moins un cher jeu. Là-bas je pense ils ont jamais sorti d'autres jeux cette compagnie là fait que c'est sûrement les droits sont réservés fait que c'est sûrement lui qui a comme financé toute la patente puis qui a décidé d'essayer de faire ça mais ça donne un jeu fucking douteux. Ça doit être populaire chez les fans de pinball un peu, parce que c'est niche, ça. Ouais, mais ça a un gameplay peut-être un peu trop douteux pour, pour les vrais, mettons, joueurs de pinball. Je viens de voir les images. C'est comme un drôle d'hybride, parce que là, t'as souvent des créatures qu'il faut que tu tues en bâchant la... C'est vraiment plus hybride que je pensais. Ce qui est un peu triste, c'est que derrière la pochette, ça ressemble à un clip de Lady Gaga. la face du gars qui est en fait une couleuvre. Pis t'as genre Tina Turner avec un œil louche qui te regarde pis qui a l'air surprise. Et c'est du genre de comme vraiment bad Photoshop. Ouais. Hein. C'était un peu n'importe. Ok, good. Fait ça que, c'est Paranoia Escape. Numéro 2. C'est le numéro 2. J'ai hâte d'avoir le numéro 3. Numéro 3, on va rester dans le PlayStation, tiens. Oh. Un beau petit jeu qui s'appelle Oh No! Oh non! J'aime le derrière, en tout cas, ça, la face du gars en arrière. Ça, j'ai découvert ça récemment, ce jeu-là, parce que la plupart des jeux de PlayStation 1, ça fait vraiment longtemps que je suis dans le. Ils ont toute la goutte au nez, hein? Ouais, exact. Ils ont tout le temps la morve au nez, les petits bonhommes. Puis c'est ça, t'es des petits bonhommes tout nus. Ça, tu commences, t'as une belle cinématique d'introduction d'un gars qui est dans la douche en train de se chaîner le cul puis il est vraiment en train de se frotter puis il a l'air vraiment comme super musclé puis viril puis tout. C'est-tu le gars qui est en arrière de la pochette ici? Non. Ah, okay. C'est le petit qui est sa couverture. Oh. C'est juste que quand il sort de la douche, il devient comme un petit brat. Oh. Ouais. Fait que là, il se lave. Là, dans le fond, lui, son but, t'es avec ton petit frère, il faut t'aille retrouver tes membres de ta famille. En tout cas, c'est ce que j'ai réussi à comprendre un peu, là. Sinon je comprends rien parce que tout le long ils s'engueulent, toute la famille s'engueule puis c'est comme le gros bordel. J'aimerais noter que tes boîtes et tes livrets sont très jolis puis très en bonne condition. Oui, ben oui, je fais attention à mes affaires, mais je me suis rendu compte que surtout les jeux japonais que j'achète sont, c'est rare qu'ils sont abîmés, ils sont souvent en bonne condition. J'ai l'impression que là-bas, ils font plus attention. Les Japonais sont réputés pour faire attention à leurs jeux. Ils font beaucoup plus attention à leurs jeux qu'ils citent parce que c'est comme... C'est fucking mint, là, ces jeux-là. Ouais, mais c'est ça ressemble... quand même vieux. Là. Les jeux de PS1 que j'ai, sont c'est pas mal à ce niveau-là. Là. C'est toujours c'est très important si, pour moi. S'ils sont restés à toi tout le temps, puis tu fais attention. Voilà, André a failli l'échapper. En plus, ces cases-là sont durs à trouver. C'est comme un genre de gros case. Il y a des réflexes, il était dans le ciel du soleil avant. Je tiens juste à mentionner que... Qu'est-ce qui se passe en arrière de ce pochette-là, André? Ben, c'est comme une vieille télévision comme j'avais dans le sol chez mes parents quand j'étais jeune. Là, tu sais, le casing en bois là, que tu mettais sur le U, là, puis ça prenait jamais le 17. Oui, oui, oui. Fait que les démons du midi, ça j'aimais pas beaucoup ça. Ou les démons du samedi soir à minuit. Oui, oui, aussi, ouais. Non, mais ça, c'est pas grave, c'était tout le temps brouillé, anyways. Peu importe le câble sélecteur qu'on avait. Il y a comme des images du jeu, je pense, puis un gars... Ben écoute, sais-tu quoi? Dans le temps, je pense que son linge était lait, mais là, il serait vraiment comme à la mode sur le plateau. Un hipster. Un Japanese hipster. Non, non, mais ce gars-là, lui, il portait du linge lait avant que ça soit à la mode. Non, mais il a l'air d'un gars qui dit les nouvelles ou qui ben, dit c'est la ça. Météo. C'est comme le Pierre Bruno japonais qui nous mentionne que, oh non, quelque chose. Il y a des techs. En tout cas, il y a des affaires en rouge. Fait que, tu sais. Sont subtils les japonais parce que tu sais, c'est comme c'est des mots s'ils importants. Veulent que tu retiennes des mots, c'est ça. OHK World News, fait que ça doit être. Regarde, honnêtement, c'est weird au bout. Ben, je vais vous décrire un peu le jeu plus. Là, j'en ai quasiment pas parlé à part pour l'introduction. Sinon, ça fait penser un peu à Pepsi Man dans le sens que c'est un jeu où tu cours. Que tu cours vers l'avant puis que tu as des trucs à dodger, mais là, tu te promènes dans des carnavals, tu rentres dans des saunas, il y a du monde tout nu qui prennent. Qui se lavent, puis là, toi, tu te promènes à travers tout ça, puis tu leur sautes sur la tête, puis t'es content. Puis t'as une espèce de tune hyper rythmée, mais la soundtrack est vraiment cool, là. T'as l'impression de jouer un genre de... pas parappa de rappa, mais... Samba de Amigo, quasiment, là, t'sais, là. Oh vraiment, boy. Vraiment, wow, t'es dans le party, là, t'sais, ça, la j'allais fiesta. Dire, tout le monde en arrière est en bobette. Ouais, tout le monde est en bobette, puis ils ont tout un genre de le petit paquet, comme en évidence, ouais, comme, ouais. Vraiment comme un... Une genre de c'est semi. Quand même... Ils sont comme semi, là, tu sais. C'est pas. Comme, c'est un peu pixel art, là. Si ben, on c'est peut ça. Dire, les bonhommes. Pis quand ils, on dit semi, on. Tu te promènes ils prennent 3D. Le temps de mettre le détail sur la poche, tu sais. Ouais, fait que c'est, tu vois que c'était un point important dans le jeu, là. Ouais, mais c'est bizarre parce que le jeu est en 3D, mais tous les bonhommes sont comme un morceau 2D, de papier, ouais. Loin à plus, c'est un sprite. Mais dans le monde en 3D. Mais la poche est en 3D. Mais la poche est en évidence. Non, c'est ça, la poche est en 3D. Yes. Puis, non, c'est super cool. Quand t'arrives à la fin du stage, t'as comme une espèce de. Même dans le livret, ils ont la poche en évidence. Check le gars avec son surf, il y a une petite bosse de poche qui dépose de son suit. C'est comme un petit mini-game de lui de avec, rythme. Check, est plus grosse que ça. Ça, c'est une fille. C'est une fille. Puis elle a une bosse plus grosse que l'autre. Excusez. Ah, c'est bon. Oh, check les deux jumeaux avec des bosses. En tout cas. Fait que j'étais bien content de découvrir ça. T'as ce jeu-là. Je l'ai découvert cette année. Là. C'était comme une petite découverte là, parce que je suis le PlayStation 1 depuis vraiment pas mal le début. Puis, quand je suis tombé là-dessus, j'ai fait comment ça je connais pas ça. Puis il m'a genre coûté 3$. Puis c'était comme. Wow, j'aimerais. 3$, super bien investi. Noter justement, parce que tu parlais de la boîte, comment est-ce qu'elle est rare. Oui. J'aime la boîte. Puis j'aime comment est-ce que sur le top. C'est comme une boîte à deux CD un peu, mais plus épais, avec le PlayStation d'engravé sur ben le top. Ben oui, non, c'est sharp. Puis je trouve ça vraiment cool. Comme en fait, il est engravé ses deux côtés, le PlayStation. Ah, ouais, c'est de la belle il boîte. Il y a plusieurs il y en a plusieurs jeux comme ça, mais c'est vraiment pas... Je pense c'est pas aussi beau que les premières boîtes de PlayStation 1 en carton. Mais là, PlayStation c'est pas loin. 1, c'est ça j'allais ouais. dire. Eux autres, je pense que c'est la console... qu'il y a eu le plus de modèles de pochettes ouais, existants dans la même génération de consoles. Parce qu'au que... début, c'était comme les boîtes de Saturne. C'était la même il y avait les boîtes. Ouais, ouais, ouais, ouais, il y avait les mêmes boîtes. Ils ont eu, me semble, des grosses boîtes à un moment donné. C'est... Ben en fait, ça a commencé c'est avec les grosses boîtes. Grosses boîtes. Ou Sega, les en grosses, c'est devenu mais petit, Sega Saturn, mince, c'était... double. C'était du plastique hardcover. Oui, ben c'est ça. Celui au PlayStation 1 aussi, c'était non, même au début. Non, c'était du carton. Ouais, non, ça, c'était en deuxième. Ça, c'est le deuxième. La deuxième batch de jeu. La première deuxième, batch. Le carton? Oui, la première batch écologique. Était juste vraiment juste un comme Sega CD. Puis hein? Après carton. Ça... Carton. Carton? Carton. C'est okay. ça. Ouais, c'était ouais, en carton? Cartoon. Oui. Mais ça, le carton, il décollait en plus en dedans pour certains jeux. C'est vraiment le carton. Resident Evil, Director's Cut. Ouais, ouais, ouais. Ils sont mais j'ai un, justement, j'ai un Lemmings 3D. OK. En carton. Mais, dans ouais, ça, tête, c'était la deuxième batch. Disposable. Okay, ça me pogne par ça. Ouais, puis après ça, ils ont sorti les petits jewel case normales, comme qu'on est tous. Afin de faire mon cassette party et de timekeeper aussi du podcast, nous sommes donc rendus déjà, messieurs, à 2h15. Wow. OK, fait qu'un autre jeu, un autre jeu. Non, en fait, on a le temps de faire les deux, mais on va rester sur la piste. OK. OK, deux... André est très zen. Quatrième jeu, on y va dans le plus récent. C'est un jeu de PlayStation 3 qui s'appelle Rango Tsukuhime Longest Story. Ce jeu-là, il est en fait, ça c'est la version européenne qui est sortie. C'est un jeu japonais, mais il est pas sorti ici, à part en Europe. Fait que là, moi j'ai importé la version Europe parce que il a l'air legit, lui. La PS3 n'est pas zonée. Fait que j'ai pogné ça, puis ça vient en plus avec un short film qui s'appelle Short Piece. C'est 4 short movies faites par plusieurs artistes vraiment hot, là, en tout cas. Vous irez checker ça. Mais ce jeu-là, Rango Tsukuhime, il a été fait par Suda51, qui est un petit monsieur bizarre qui fait des jeux très, très, très weird. Puis, Killer is Dead. Il y a comme un beau style, mais ses jeux sont tout le temps un peu boiteux, je te dirais. Mais ils ont comme du cœur, ils ont comme un style qui fait que... C'est comme le Yui Bowl du jeu vidéo, tu sais que... c'est rough, ça, là. T'aimes ces films, moi, mais j'adore Yui Bowl. moi, j'adore les films de Yui Bowl parce que c'est des films de Yui Bowl. Je l'ai rencontré en vrai, très bon gars. Ah ouais, il a pas vu se battre avec tout. Non, ben, j'ai dit que c'était bon, qu'est-ce qu'il faisait. Okay. Si j'avais dit que c'était de la merde, peut-être qu'il aurait voulu se battre. Mais non. Puis j'ai vu justement... avec lui le documentaire qui montre qu'il se bat avec des critiques au Fantasia genre d'années là, j'étais voir Postal avec Nick dénommé justement donc Rango Tsukuhime on dérape tout le temps. Fait que ce jeu là fait par Suda51, c'est un jeu qui peut faire vraiment penser à Bit Trip Runner. C'est un side scroller que faut tout le temps tu te dépêches à te rendre au goal, puis t'as comme une présentation qui est vraiment incroyable, les cinématiques. En fait, c'est surtout pour ça que je te dirais que le jeu vaut la peine. Les cinématiques sont écœurantes. Puis entre chaque stage, chaque cinématique est faite par un artiste différent. Ils ont vraiment comme un style totalement différent d'un stage à l'autre. Puis t'es comme, waouh, c'est il y a des affaires tellement étranges. Là, je peux même pas l'expliquer, c'est trop étrange. Vous irez checker ça. Rango Tsukuhime Longest Day, c'est ça, Longest Day? Oui, oui. Longest Story. Longest Story, excuse. Puis, ouais, non, c'est ça, quand tu frappes du monde... Longest Day, c'est ça, c'est vraiment, le gars, I said Longest Day. Ben ouais, c'est mais... ça, c'est pour ça que je suis mêlé. Hein? Où c'est ouais, le Rango Tsukuhime Longest Day? Ah, ben le ouais, story, donc... ça doit être le short piece, ouais, le ouais, film, ouais, c'est ouais, pour ouais, ça. En tout cas, excusez. Fait que, non, c'est ça, tu frappes les ennemis, puis ça se transforme en éventail de couleurs, puis de graffiti, puis... Mais c'est ce que j'allais dire en regardant en arrière, j'étais là, je m'en ai dit, ça n'a pas de l'air si louche que ça, mais je m'ai rendu compte, j'ai regardé les photos du film, tandis que quand je regarde les deux photos du jeu, c'est comme, fuck... Il n'est pas vraiment bien affiché, le jeu, c'est ça, ouais. Ça ne montre pas grand-chose. C'est comme chose. Une explosion de couleurs, puis des symboles japonais, t'as des tonnes d'explosions de couleurs, là, puis de graffiti, en tout cas, c'est weird. Ça ressemble à une fin de soirée au Diable Vert. T'es une genre de chicks avec un violon qui snipe du monde de loin, mais c'est comme un violon qui se transforme en sniper. Au Diable Vert. C'est genre l'affaire la plus... Je suis surpris quand il a plugué Diable au Vert. C'est comme, c'est quand la dernière fois que t'es allé au Diable au Vert? Diable vert. Eric qui joue toi Diable vert. En fait, personne n'est vraiment allé au Diable vert. Allé, le Diable vert, t'arrivais là à 2h45. Puis tu te faisais crisser dehors à 3h moins 10. À 3h, tu repartais. Ouch. Fait que Rango Tsukuhime, Longest Day. Jeu de Suda51 qui est passé sous les radars de tout le monde. C'est sorti cette année en plus. Puis, mais tu sais, c'est sûr que c'est un peu cher parce que c'est un jeu qui se finit relativement très vite. Fait que, à part pour les gens, les gros fans d'animation puis de trucs weird, je le recommanderais, mais sinon, vous allez peut-être être un petit peu déçu par la 720p en plus. Oui, hein. Hey, 720p. Ça, il y a juste titres qui ont capoté pour le 1080p. Finalement, eux autres, ils étaient bien à l'aise, ils l'écrivent sur la pochette. Ben ouais, mais même les jeux ici, les jeux de PS3, c'est rare ceux qui sont en 1080. Hein. Non, mais c'est parce que je fais juste allusion au Resolution 1080. Game. Hey, Ridge Racer 7. Pour le PS4. Ridge Racer 7. NBA 2K7, je pense. Exactement. 1080. Je niaise même pas. Je niaise même pas. Et donc, le clou de la résistance. Le dernier, c'est un jeu, un jeu de PC. Là, je suis allé dans les dans ce qu'il y a de louche. PC. Et je vais te le mettre side by side. Oh, il y a deux parties. Avec ma Ikaruga, parce que dans le fond, la pochette de ce jeu-là, c'est un mock-off de Ikaruga au Dreamcast. Même la façon qu'ils ont fait le label, puis tout, c'est tout vraiment... Tout est pareil. Ils ont tout essayé de faire ça pareil comme un jeu de Dreamcast. Ça s'appelle Saza A Orgasmus. Puis, j'ai peur. Ouais. Remonte-moi les deux, ma photo à chier. Excuse-moi. Saza A Orgasmus. Puis moi, ça j'ai entendu orgasme. Ouais. Fait que ça avec, c'est un shoot'em up, parce que je trippe ces shoot'em up. Puis c'est fucking dur. Tous les bonhommes, c'est comme des vaisseaux avec des têtes d'hommes d'affaires ou de gars de bureau, on dirait. Puis il se passe des affaires bien weird. Au début du jeu, t'as comme une espèce de cinématique que tu te fais pogner dans un parc. Tu te fais taxer par des méchants. Puis ils t'attachent après je sais pas si c'est une balançoire ou quelque chose. Puis il te fait comme dans... C'est une grosse référence à Okuto no Ken, là, Fist of the North Star. Je sais pas si vous connaissez cet anime-là. Là. Oui, Ken le survivant. Oui. Là. Puis il t'attache après, en tout cas, la balançoire, puis il te plante les doigts, mon gars, d'un couille à enseigner, parce que dans le fond, la référence, c'est que dans Fist of the North Star, t'avais Kenshiro qui était comme attaché, puis il se fait rentrer les doigts par son arch-ennemi. Ça y fait 7 cicatrices sur son corps, en tout cas. Mais là, quand tu joues avec Ikaruga, t'es en train de rentrer les doigts dans le doigt, dans les yeux, parce que ils ont comme fait un gros clin d'œil à ça, puis sauf qu'ils rentrent les doigts dans les couilles. Puis c'est vraiment les plus hot dessins en arrière. Puis tu vois genre des bonhommes de bureau en train de se crosser. Ils font de la lutte dans un sleeping bag en arrière ou je sais pas quoi. Ils sont comme... Non, je te confirme, c'est pas de la lutte, Milter. Okay. Il y en a un qui tient en jambe de l'autre en position. Fait que c'est de la gymnastique. Pourquoi il y a le bonhomme de Monopoly qui se fait enculer? C'est quoi ce jeu-là? Je me souviens pas de ça. C'est un schmop. J'avoue. Hein. Pour ceux qui savent pas c'est quoi les schmops, ben, en une phrase, c'est le gars du Monopoly qui se fait enculer. Un schmop japonais, là. Fait que welcome to my world. Wow. Puis ça, ce jeu-là, c'est fucking tough. Je pense que j'ai jamais réussi à passer le deuxième stage parce que c'est genre de jeu 3 vies, pas de continu, tu sais. Okay, ouais. C'est comme ça pardonne fucking pas, là. Puis sinon, c'est quoi? Tu pitches des petits squirts de... Mais ça, c'est même pas un jeu de PlayStation, ça, c'est un jeu de PC. C'est un jeu de PC. Parce que j'aime le 98 ME. Ben oui, mais ça fait XP. Un bout que j'ai acheté ça. Ça fait une dizaine d'années. Là, moi, j'avais acheté ça. Déçu, moi, d'une chose, il n'y a pas de tentacules dans aucun des jeux random. Non, c'est trop mainstream. Parce que ah, si je suis allé juste dans les jeux. C'est des businessmen qui squirtent et qui enculent le gars de Monopoly. Mais ben, c'est une coche. Non, plus non, haut, ça, c'est plus. Ben, c'est en ça. Fait, ça laisse plus à l'imagination. Tu peux expliquer le deuxième set de coins de boîte? Ça, c'est les spine cards qu'on appelle. C'est puis ça vient card. Avec de plus ou... Ça, les collectionneurs d'importation, ils savent c'est quoi. C'est ce qui va par-dessus le CD de même. Ah là, pour faire oui, le coin du CD. Tu sais, il y a même des albums de musique d'info. J'en avais ça. Souvent des affaires japonaises, musique d'accord. Dans le temps. Puis, j'ai déjà eu des albums de Justin Timberlake avec le carton japonais de même. Okay. J'ai dit carton pour solidarité d'Eric. Mais non, c'était pas à moi le CD, là. Je le voyais dans mon magasin. Mais fait que la plupart des jeux d'importation, genre PlayStation, Dreamcast, Saturn, ils ont tous un petit spine card de même, puis les complétionnistes, c'est ça, les freaks qui veulent les, mettons, c'est l'équivalent de la registration card, là, un peu. Tu dois l'avoir, genre. Moi, ce que j'aime C'est pas la fin du monde, mais il y en a pour si t'as pas de spine cards, ça vaut pas 15$, exact, ça vaut 10$. On va t'enlever un 10$. Mais, tu me le fais 10$ de moins, t'as pas de spine card, c'est clair, man, que le monde va s'essayer, là. Ce que je trouve un peu étrange, c'est venant du peuple qui a inventé l'aspect zen puis feng shui, tu regardes leur pochette, puis c'est agressif visuel. À l'endos, le nombre de caractères, puis le texte en bold italique souligné croche, texte en format 48, rouge flash avec un contour jaune. Ouais, ouais. C'est comme, t'as tellement d'affaires, c'est agressif mais, visuel. Mais c'est le graphisme n'est pas la force des Japonais. Ouais, ça, mais c'était fait, sens, c'était fait vite aussi souvent ces affaires-là. Là, ça, ça date de peut-être 2001-2002. J'ai pas remarqué, mais y'a-tu vraiment une fille qui se lève la jupe en arrière-plan, sa pochette en... Check en arrière du texte. Oui, ben oui, ben oui, elle montre sa panties. Ouais. Son regard, il était trop attiré ben vers le gars de Monopoly. Je sais pas, man, les Japonais ont une fixation sur les panties. Ça, je l'ai jamais compris. Là. Pour eux, là, voir une panties, c'est quasiment plus excitant que de voir sous une la fille panties. Complètement nue. Je sais pas. Là. Surtout que la fille complètement nue, elle fait juste aller. Elle fait Yamete! C'est tout pixelisé. C'est tout un genre comme non! C'est genre comme que ça se faisait agresser. Ça avec, man! Ça le train vient de, officiellement de dérailler. Ah, écoute, Carl. Oui. Merci pour ces bijoux de trucs vraiment wrong et cool à la fois. Le pire, c'est qu'il y a un paquet de jeux là-dedans qu'il faudrait j'ai le goût de jouer. Mais c'est pas des trucs, mettons, qui vont être graphiques, là. C'est pas des vrais non, jeux d'ail que creepy, tu vas voir. Là. C'est juste étrange, avec des genres de références puis que c'est présenté souvent d'une façon hyper quasiment amicale, enfantin, ouais. Petite musique heureuse, mais c'est tous des businessmen c'est qui ça. S'enculent en tirant partout. Fait que c'est, en tirant du sperme partout. C'est ça, c'est juste comme très drôle, mais... Ouais. Ah non, c'est. En tout cas, moi, je trouve ça bien. Mon genre de jeu. C'est une genre de petite passion là, que j'ai développée avec les années. Puis c'est. Disons que c'est rendu mon créneau. Là. J'ai comme. Disons que j'ai hâte de jouer aux quatre autres et de ne pas m'en souvenir. Comme le cinquième. Carl, les gens qui voudraient rentrer en contact avec toi, découvrir Terminarcade, découvrir Terminaslot. Yes! Les on peut rejoindre où exactement? Facilement sur Twitter, que c'est Terminarcade, @Terminarcade. Sinon, sur mon channel YouTube, que c'est... Le nom du channel, c'est Terminaslot, mais si vous tapez Terminarcade ou Power Chasers, vous allez me trouver facilement. On a aussi une page Facebook que j'ai restarté il y a quelques mois. Ça fait pas super longtemps. J'étais dit de le faire, là. En tout cas... Il était temps. Une page pour les Power Chasers. Ouais, c'est ça, pour mettre nos trucs un peu random. Parce que j'ai like, là. Me semble. Comment? J'ai like déjà, me semble. Oui, oui, ben oui, ben oui, c'est sûr. Depuis le début. Milter, tu like tout. Moi, je like des affaires. Non, mais un like de Milter, ça veut tout dire, en tout cas. Fait que Power Chasers, sur Facebook, on poste souvent des trucs un peu plus random pour... meubler les temps morts parce que souvent là, comme on des panties en... c'est ça des images de jeux louches ça j'aime ça d'en faire une fois de temps en temps là, ou des trucs étranges ou une petite trouvaille ça c'était ça quoi ça garde oui. Les gens actifs ça garde les gens actifs mais oui ça fait comme what the fuck is that puis, non, quel jeu cool. Oh, ouais, mais en même temps tu sais, je dis jamais comme les titres des jeux j'essaie de voir si j'aime ça savoir si quelqu'un va être capable de deviner en même temps. Là. Mais j'ai du monde, j'ai un bon following, fait que du monde assez calé, souvent ils vont réussir à le trouver fait quand même. Là, c'est quoi, Terminarcade ou Power Chasers? Sur Facebook, c'est juste Power Chasers. Power Chasers. Ouais, likez la page. Likez ça, puis venez voir ça pour les nouvelles, là, puis les nouveaux vidéos. Les temps morts, parce que là c'est ça, l'hiver, c'est plus tranquille, là, côté Power Chaser. On va mettre le lien sur la page Facebook du collectif à ce moment-là pour essayer de share le love, le social yes, love. Yes, j'ai besoin de love. Envoyer l'amour social. Surtout de likes. Ben oui. Surtout les likes. J'en ai besoin, là. J'ai même pas mon 200 likes, là. Come on, guys. J'ai besoin d'un 200 likes. Donc, on amène la page de Power Chaser à 200 likes. Je suis pas loin du 200. 500. On monte ça à 500 likes. Likez et sharez la page des Power Chasers. Mais sinon, sur YouTube, on est quand rendu à... proche de 500, je pense, en tout cas. Bon, mais... Ça va mieux sur YouTube. Subscribez mais ça paraît YouTube que j'ai parti, et likez la page. Le monde ne sont pas au courant de notre Facebook. C'est sûrement ça. Là. Allez vous abonner. Google là, Plus. Share the love. Share YouTube. The love, guys. Partout. Donc, le train qui a... Comme la Roche dirait, excuse, mais montre que t'es blood. Fait que si t'es blood, tu vas liker Power Chaser. Excuse, André. Qui Michael, c'est Mike LaRue. Ah, Mike LaRue! Ça vient de la barrique numérique. La barrique numérique, c'est ça. Oui, c'est eux autres qui ont... Bah, en tout cas, c'est là que la première fois que j'ai entendu ça. Là. Donc, vous écoutiez une humble locomotive, quel épisode 53 du collectif, qui semble avoir déraillé il y a environ une heure, ben comme faux. Donc, merci d'avoir été avec nous pour le 53e épisode Merci d'avoir de notre épopée. Ici. Merci, Carl, d'avoir été avec d'avoir nous. Merci d'avoir occupé participé. Votre temps et busté votre temps. Merci. C'est pas grave. Ces temps-ci, on défonce puis on n'a aucun scrupule. Good, good. Donc, pour les gens qui voudraient interagir avec nous, partagez votre amour. Spread the social love. On a besoin de votre monnaie sociale. Un like, c'est tout pour nous. Un like, c'est un encouragement. Une critique sur iTunes. Partagez la page du podcast. Interagissez avec nous via Twitter ou un petit courriel une fois de temps en temps. Donc, rejoignez-nous sur facebook.com/geekcollectif le podcast, @geekcollectif pour nous rejoindre sur Twitter, Instagram. Et Eric, oui. Les gens qui voudraient interagir avec toi? Montréalien, pas mal sur tout. Là. Je joue bien sur le PS4, c'est ainsi avec Dying Light, des choses comme ça. Puis Heroes of the Storm sur Battle.net, là. Price 13,87, je le dis tout le temps. Là. En fait, je joue toujours à Heroes of the Storm avec plein de gens, c'est vraiment hot. On botte des culs, on s'amuse au bout, on se crie après sur Skype, c'est toujours le fun. Excellent. Milter, les gens qui voudraient te rejoindre? Moi, Milter 187, partout, Steam, Xbox One, PS Network, tout. Zombie Milter sur Twitter, parce que je suis pas mal plus sur Twitter ces temps-ci à cause que je suis banni de Facebook pour 3 jours à cause d'une vidéo d'un bon, gars chier, qui chie sur Scatman le chest John. D'un gars. Une vidéo du Scatman John. Je pensais John, pas hein. que t'étais de même Facebook, mais il va falloir qu'on revise nos standards. Fait que pour l'instant, je suis sur Twitter. Fait que... C'est ça. Et les gens qui voudraient interagir avec moi, @uzumakiqc sur Twitter, Instagram. J'ai besoin d'un petit peu de followers sur Instagram. Puis André se fait jamais bannir. Photos. Moi, je me ferais jamais bannir parce qu'il y a personne qui fait caca sur personne sur mes publications. Non. André Paquette sur Facebook. Vous pouvez m'ajouter sur Steam, Xbox Live, PSN, tout le kit. Recherchez uzumakiqc. Ça va me faire un plaisir de pouvoir jaser avec vous ou tout simplement jouer une couple de games. Merci d'avoir été avec nous. On se revoit dans 2 semaines pour le prochain épisode. Et sur ce, on vous souhaite une excellente soirée, journée, matin, peu importe. Profitez-en. C'est un podcast, c'est intemporel. On met du...